Auditrice, auditeur de Radio Game Ozo, salut à toi. C'est l'émission hors format, vous connaissez le principe, je reçois ici, à notre studio, situé à Saint-Étienne-et-Remiremont, aux 8 places de l'Hôtel de Ville, pour être précis, ça c'est si tu as envie de nous rendre visite, deux artistes, et puis parfois ils se connaissent, mais souvent ce n'est pas le cas, et j'espère que ce ne soit pas le cas, puisque comme ça, ils peuvent se rencontrer ici, et souvent ça donne des échanges plutôt sympathiques, puisqu'en plus de répondre à mes questions, vous pourrez échanger entre vous, vous interpeller, vous questionner. Et quand je dis vous, ce qui est d'autant plus sympa, c'est que les invités d'aujourd'hui, il y a un lien avec ceux d'il y a deux semaines. Vous vous rappelez peut-être, il y avait Guillaume Louis, conteur. Donc nous avons parlé beaucoup avec lui d'instruments traditionnels. Et aujourd'hui, ça sera le cas grâce à Jean-Claude Condy, luthier à Mirecourt. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Et il y avait aussi Guillaume Louis, et il y a un autre Guillaume aujourd'hui, c'est Guillaume Houillon, mais vous le connaissez peut-être mieux, et il est aujourd'hui présent pas en tant que Guillaume Houillon, mais en tant que bouclette, auteur, compositeur, chanteur pour enfants. Monsieur, on peut dire comme ça, bonjour. C'est ta première pour toi ici dans ce studio. Tout à fait, oui. Jean-Claude, toi c'était il y a 10 ans. La dernière, mais j'ai fait une il y a 25 ans peut-être, 30 ans, non peut-être pas. C'était quand c'était à rue ? C'était peut-être en 90 ou 11 ou 12, c'est possible ça ? Ah tout à fait, ici c'est à Saint-Étienne-et-Remiremont depuis 90. Non, j'étais à Gérardmer, ça devait être même en 87 ou 88. Mais sachez que on en profite, Jean-Claude, pour parler de l'histoire de la radio, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est que elle s'appelle Game Ozo, du lieu dit, le chemin du Game Ozo à Rue-sur-Moselle, où elle a vu le jour, où elle a officiellement vu le jour, puisque c'était une radio pirate, et quand Mitterrand et son gouvernement ont légalisé ces radios libres, elle en a profité, cette radio qui s'appelait Trait d'Union, pour s'appeler Game Ozo, du nom de l'endroit où s'est implanté le premier studio. Et elle est restée 9 ans là-bas, de 81 à 90, et depuis, ici à Saint-Étienne. Et toi, c'était à Rue que tu es venu la toute première fois. Tu débutais, tu ne débutais pas ta carrière de luthier. Ça faisait pas très longtemps, je me suis installé en 84. Donc, je commençais, 85, je me suis installé, à Selles-sur-Plaine. Donc. Avant ça, comment ça a débuté pour toi ? Tu as fait les formations pour ? Tu savais tout de suite que c'était ça que tu voulais faire ? Pas du tout. Non, je suis autodidacte. J'étais attiré par les musiques traditionnelles, et en particulier, je pratiquais le violon traditionnel depuis que j'avais 17 ans à peu près. Et puis j'ai découvert cette musique, ce milieu, cette ambiance des musiques traditionnelles, avec, je dirais, séduit aussi par un côté un peu militant ils ont véhiculé des valeurs d'ouverture sur les musiques du monde, sur les cultures du monde, donc je me suis installé, je faisais un peu de lutherie chez moi en bricolant, mais sinon à l'époque je bossais, j'ai travaillé en forêt, j'ai été éducateur, et puis à un moment j'ai décidé d'être indépendant, donc j'ai joint deux activités, une activité de tourneur sur bois, et puis de luthier. C'était un peu schizophrène comme ça, j'avais deux activités, mais la tournerie c'était assez efficace, je tournais la semaine, le week-end d'après j'allais faire un petit marché, un truc comme ça, et ça me permettait de vivre, et parallèlement je faisais déjà quelques festivals de musique traditionnelle. À l'époque, il y avait déjà le festival Lautenbach en Alsace, il y avait les Musicali en Sologne, il y avait Saint-Chartier en plein centre France, qui ce sont des festivals qui ont en tout cas beaucoup compté pour moi, parce que c'est là où on rencontrait d'autres gens, c'était un peu la Mecque des musiques traditionnelles à Saint-Chartier. Quand on parle de luthier, on ne parle pas que de musique traditionnelle, non. Mais toi, c'est ta spécificité. Oui. Oui, on dit luthier, mais oui, le vocabulaire s'est appauvri. Enfin, on pourrait dire un luthier, c'est quelqu'un qui fabrique des luttes, normalement. Hein, si on suit le... Sinon, les gens qui fabriquent des... On dit des luthiers, tous les gens qui fabriquent des instruments, mais on a appelé à un moment les gens qui faisaient des violons, on les appelait des violonniers. Alors, luthier, oui, bon, ben, mais bon, voilà, je fais partie de cette famille de lutherie, mais je pense qu'il y a autant de différences que d'instruments et que de personnalités aussi, parce que les luthiers, c'est comme, enfin, je sais pas, c'est des caractères, c'est des gens qui ont des, déjà peut-être individualiste entre guillemets dans le bon sens du terme, parce que pour être pour se retrouver toute la journée face à un petit bout de bois ou de quelques petits bouts de bois, voilà, il faut quand même avoir un tempérament comme ça un peu solitaire aussi. Ça a été quoi ta formation alors pour devenir luthier? Tu es allé où? Alors moi je suis tel une abeille, je suis allé un peu butiner à droite à gauche. Voilà, il y a la littérature, il y a quand même beaucoup de choses, il y a des précis, des techniques quoi sur des instruments. Il y a l'art du luthier de Tolbeck par exemple, c'était un peu un bouquin que j'ai beaucoup consulté. Il y avait à l'époque, il y avait une revue qui s'appelait L'Escargot Folk et il y avait une petite chronique sur la fabrication des instruments. Qui était animé par Bernard Dimet, pas le chanteur connu, un autre Bernard Dimet, et que j'ai rencontré bien après d'ailleurs. Et lui, c'était sympa. Il fait une petite page, il expliquait comment faire une épinette des Vosges. Voilà, un psalterion, un rebec, tous ces instruments qui, en fait, c'était certainement les plus pour des bricoleurs comme moi, c'était les instruments les plus accessibles au début. Guillaume, je vais t'appeler Bouclette hein, tout le long de l'émission. Oui, Bouclette, c'est bien. c'est assez surprenant, hein, je trouve, dans ce que dit Jean-Claude, c'est que il est vraiment autodidacte. Tu nous as pas donné de nom de personnes concrètes qui t'auraient appris le métier. Tu nous as donné que des auteurs de bouquins, etc. Oui, mais bon, il y a eu des rencontres, mais on le verra. Mais sur 30 ans, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont pu t'initier ou compléter ce que tu avais appris, notamment dans les bouquins et par toi-même. Toi, ça a débuté, je crois, il y a moins longtemps que Jean-Claude, parce que ce qu'on disait là, Jean-Claude, c'était dans les années 70. Voilà, oui, j'ai commencé en 77. Et moi, j'étais loin, en 77. T'étais né? Non, même non, pas. Non. Mon frère, oui, mon frère. Mais alors, oui, il y a déjà un lien. Jean-Claude, il a été éducateur. Je commence souvent mes concerts comme ça. Moi, je suis d'ailleurs encore éducateur aussi. Donc voilà, c'est un premier lien qu'on a. Moi, je m'intéresse pas du tout ce que je disais à Jean-Claude tout à l'heure parce qu'on a quand même pris le temps de discuter. On est désolé, Mika. Oui, mais tu dis ça parce que moi, je dis toujours aux invités. Voilà, et j'en profite pour aussi. On a triché. Vous préciser que d'habitude, elle se perd de plus en plus cette question que j'avais basée comme étant rituelle. Non, ça y est, je l'ai zappé, j'en veux plus. Est-ce que vous vous connaissez? Non, du tout. Voilà, non, vous l'avez compris, comme ça y est, c'est fait. Oui. Et avant l'émission, je dis toujours aux gens, ne parlez pas trop entre vous avant. Et puis moi, d'ailleurs, je ne dis rien, je suis vraiment antipathique parce que j'aime bien garder le naturel pour l'émission, la spontanéité, mais vous avez quand même discuté. Un petit peu, une petite minute. Non, alors bon, voilà, moi, ce qui diffère avec Jean-Claude, c'est que moi, je suis pas du tout dans la fabrication d'un instrument. C'est pas du tout pour ça que je suis là. Non, moi, j'utilise les instruments, d'ailleurs, quelques-uns. Je suis passé par plusieurs instruments avant d'arriver à ce que je fais aujourd'hui. Hein. J'ai pas commencé la musique il y a un an. Ça fait déjà plusieurs années. D'ailleurs, on est à l'endroit où où mon papa m'a acheté ma première batterie. C'est-à-dire que mon frère faisait de la guitare électrique. Dans les années 80, donc Iron Maiden, tout ça, et il cherchait un batteur, donc il m'a choisi, et j'ai acheté ma première batterie à la caserne de Saint-Étienne, donc là, juste donc un appartement un petit peu plus loin, à 1000 francs, donc c'est mon papa qui me l'a acheté, c'est comme ça que j'ai commencé la musique. Donc Gamozo, en fait, finalement, c'est un peu le début d'une... Je suis ton père. D'une histoire, ouais, et j'avais donc des amis, donc ensuite... Pardon, j'avais aussi des amis, donc je disais tout à l'heure Bruno, Gibouille, etc., Tony. Et en je sais pas s'ils écoutent, l'émission. Enfin bref, mais en tout cas, ils faisaient de la radio, donc c'était c'était une séquence un petit peu rap. Voilà, c'était une séquence rap, ça se passait je sais plus quel jour, et ils se donnaient tous rendez-vous ici pour faire leur émission. Donc je connais moi Gamozo comme ça, mais je suis jamais venu, c'est la première fois. C'est bien, tu es stéphanois d'origine, d'après ce que tu dis. Pas d'origine, non, non, moi je suis de Bellefontaine, mais mes parents se sont installés à Saint-Étienne dans les années 90, ouais. J'avais 10 ans. Jean-Claude, toi, tu as fait un passage par Gérard May pour apprendre ce métier. Là, on parlera d'une première rencontre réelle en chair et en os. Oui. Mais sinon, tu es d'où ? Je suis de Bar-le-Duc. J'ai vécu jusqu'à l'heure de mon service militaire, j'ai vécu à Bar-le-Duc. Et dans les rencontres, alors, une qui a été importante puisque... À Bar-le-Duc, déjà, bon, je faisais la musique traditionnelle, il y a deux, trois personnes là qui ont beaucoup compté. Il y a eu Henri Amblaise, qui était directeur de l'action culturelle du Barrois, avec qui je faisais de la musique. Et voilà, quelqu'un qui est plus âgé que moi, bien sûr, et qui a beaucoup compté, parce que, voilà, moi j'étais ado, quoi, et quand on est ado, on est un peu fragile comme ça, surtout quand on fait des musiques traditionnelles, c'est pas trop, on est déjà un peu à contre-courant, on sait pas trop si on est sérieux, si c'est bien, je sais pas quoi, bon. Et puis j'ai rencontré aussi, là, Jean-Claude Schenkel, qui faisait de la lutherie. Qui était parisien en fait, qui est venu, lui c'est le 68ard qui a quitté Paris pour aller vivre à la campagne et tout. Et c'était quelqu'un de passionnant et qui a fait de la lutherie, qui fabriquait des instruments de musique traditionnelle à Bourdon. Et il avait déjà fait des nickel harpa. Ah, le voici, le mot magique. Que je n'ai pas encore dit que tu étais spécialiste dans cet instrument. Ouais, voilà. On en parlait largement. Donc oui, lui, t'as. Alors lui, ouais, c'était la première personne qui. Voilà. T'as fait rencontrer cet instrument. Qui fabriquait cet instrument. L'instrument, je l'avais rencontré avant. Entre autres, il y avait un groupe qui a arrêté il n'y a pas trop longtemps. Hein. C'est le Quatuor, un Quatuor burlesque. Parmi ces quatre personnes, il y avait Laurent Vercambre, qui jouait donc du violon dans le quatuor, mais il sortait à chaque fois une nickel harpa. Et en 80, c'était les premières années de ce quatuor, qui c'est un groupe qui a super bien marché. Ils sont venus à Épinal aux Larmes du Rire plusieurs fois. Enfin, ils ont vraiment bien tourné. Et Laurent, il a toujours eu un petit faible pour la nickel harpa. Et c'était aussi un musicien de Malicorne, au début de Malicorne, qui jouait du violon et la nickel harpa. Et donc, pour moi, j'adorais ce groupe, Malicorne. C'était un petit peu un groupe un peu de musique traditionnelle, mais avec un petit côté moderne, enfin à l'époque. Donc ça, le concept me plaisait bien. Et Laurent, c'était un peu une espèce de dieu comme ça qui jouait super bien du nickel harpa. Donc c'était la première fois que je voyais un instrument, parce qu'il y avait pas Internet quand même. C'était les disques, les vinyles et les bibliothèques. Ou le pote qui allait en Suède et qui ramenait des trucs, quoi. Oui, puisque. Vous l'avez peut-être compris, hein. Déjà, c'est un instrument hermaphrodite, puisque Jean-Claude, quand il parle du ou de la nickel harpa, une fois, il emploie le masculin, une fois le féminin. Et on en vient à l'origine, hein, puisque tu as parlé de Suède. Oui. C'est de là que vient cet instrument. Il y en a dans ce studio, vous l'entendrez tout à l'heure. Mmh. Tu es venu avec deux aujourd'hui. J'ai pris trois instruments différents. Ouais. On les entendra. Qu'est-ce que tu peux nous dire alors sur l'origine de la nickel harpa ? Nickel harpa. Donc effectivement, en Suède, c'est neutre. Et nickel, ça veut dire la clé, la touche. Hein. Harpa, c'est un nom générique pour des instruments de musique, comme on dirait les cuivres, les vents, les choses comme ça. Bon, c'est un groupe d'instruments pas franchement défini. Mais voilà, la nickel harpa, c'est l'instrument de musique à clé. C'est un instrument qui apparaît au XIVe siècle. Avec certitude, probablement qu'il l'était avant. Mais un peu comme la vielle à roue. C'est des instruments qui sont proches, et les concepts, les innovations, c'est un instrument populaire, donc ça a toujours évolué, hein, à partir du 14e. C'est pour ça aussi que, parce qu'il y en a, ils sont plus féminins que d'autres, ou plus masculins que d'autres. Ouais. Mais il y a bien sûr la Mora Harpa, Enkel Harpa, Silver Bass Harpa, Contrabass Harpa, tout ça c'est des évolutions. Enfin, ça serait un peu technique, mais... Des différences de tonalité. Des tonalités et de concept. C'est-à-dire que la Nickel Harpa, c'est un instrument à bourdon. Alors, le bourdon, comme l'épinette des Vosges, comme la vielle à roue, comme la cornemuse. Le bourdon, c'est une note qu'on entend, qui est joué, activé, alors soit par un archer, soit en soufflant dedans, je pense, voilà, ou en grattant pour l'épinette, mais c'est vraiment une note qui va accompagner la mélodie. Elle est constante, cette note. Elle est constante. En général, c'est la première note de la gamme ou du mode, bon, dans lequel on joue. Si on joue en do majeur, on va avoir un bourdon de do. Voilà. Donc, alors la Nickel Harpa fait partie de ces instruments à bourdon jusqu'en 1920 à peu près. Et là, tout d'un coup, un luthier musicien, Eric Sahlström, et un autre, Auguste Bolin, mettent au point un instrument différent avec trois claviers, alors que les précédents n'avaient que un ou éventuellement deux claviers, mais des bourdons. Alors là, il y a trois claviers, donc trois cordes mélodiques, encore un bourdon résiduel, mais il est pas toujours joué. Mais quand même, là, il va y avoir une grosse différence technique pour le musicien, c'est que on va pouvoir moduler, on va pouvoir jouer une mélodie à différentes hauteurs, parce qu'avant, comme pour l'épinette, pour jouer dans les aigus, ben il nous faut un instrument particulier. Si on veut jouer la même mélodie, une quinte en dessous, il faut changer d'instrument. C'est juste comme ça. Alors, les cornemuses, d'ailleurs, vous voyez ces tout petits harmonicas diatoniques, on les appelle comme ça, c'est pour faire du blues. Voilà, ça c'est encore un peu dans l'esprit de ces musiques traditionnelles. Il y a des harmonicas en do, en sol, en mi. À chaque fois qu'on joue dans une tonalité, on change d'instrument. Donc la Nickel Harpa a subi, entre guillemets, parce que c'est pas toujours perçu comme une bonne évolution. Moi, je trouve ça très pratique, hein, honnêtement, de pouvoir moduler. Donc ça reste, c'est une grande liberté pour le musicien. Bouclette, il n'y a pas de Nickel Harpa dans tes chansons. Eh non. Eh non, mais ça pourrait. Non, ça pourrait, parce que alors moi, j'explique. Parce que... moi, je travaille aussi, donc je joue de la guitare là pour ce spectacle-là, mais j'utilise aussi la musique électronique sur ordinateur, et j'ai visuellement, si vous voulez, un morceau qui n'en est pas un puisqu'il n'y a pas de paroles, mais j'ai un passage dans mon spectacle où je mime des instruments. Donc, je mime toutes sortes d'instruments que j'ai trouvés dans mon logiciel, évidemment. J'ai pas le souvenir qu'il y avait de la Nickel Harpa. Mais pourquoi pas à l'avenir? Pourquoi pas? Ça pourrait. Parce que je demande aux enfants quel est l'instrument que je mime. Donc, c'est quand même des instruments, j'essaie quand même de les instruire un petit peu. C'est un petit peu quand même didactique, hein. Enfin, c'est un petit peu, comment on dit? C'est pédagogique. Pédagogique. Donc, j'essaie d'apprendre quelque chose aux enfants tout le long du spectacle. Je veux qu'ils repartent en ayant, appris quelque chose. C'est mon côté un petit peu enseignant, que je suis pas, hein. C'est mon côté un petit peu éducateur. Mais tu vas dans les écoles, on y reviendra tout à l'heure. Oui, voilà. Donc Nickel Harpa, pourquoi pas? Mais il me faudrait un morceau live de Nickel Harpa. Donc peut-être qu'aujourd'hui, je vais attraper un morceau live de Nickel Harpa que je pourrais réintroduire dans mes spectacles. Ce serait bien. Si vous avez envie de voir... que ça soit visuel tout ce qu'on vient de dire, c'est simple. D'une part, pour Jean-Claude Condy, luthier à Mirecourt, vous pouvez taper son nom, vous tomberez en première proposition sur le site nickelharpa-condy.com, et là c'est très complet, vous verrez à quoi ressemble l'instrument et les différents services proposés par Jean-Claude. Et pour Bouclette, Notamment la scène là que tu viens de dire durant le spectacle, mm-hmm. on peut la voir sur la chaîne YouTube. Ça oui. avait été enregistré au Zinc Grenadine l'an passé. Exactement. Quand vous tapez, alors, tu nous diras pourquoi tu as choisi ce nom de scène, Bouclette. C'est un peu embêtant puisque quand on cherche sur Internet, ah ben forcément, on va pas tomber tout de suite sur toi, contrairement à Jean-Claude. C'est pour ça que toi, notamment ta page Facebook, ben tu as rajouté deux O, Bouclette O-O. Oui. Il y a cette page FB, il y a la chaîne YouTube, oui. Instagram également. Oui. Pas de site. En tout cas, non. Là-dessus, on peut voir tout ce qui te ressemble de manière sonore, mais aussi c'est une entité hein, visuelle, Bouclette. Dans un premier titre qu'on pourrait écouter, est-ce que, puisque tu nous as dit que les débuts à la batterie et l'émission rap qu'il y avait ici à Gamozo avec les poteaux. Il y a du rap dans un de tes morceaux ? Il y a du rap. Non. Non, il n'y a pas de rap. Il y a de la robotique. Proprement dit, il y a de l'électro. Il y a du débit vocal. Donc, voilà. Moi, je ne considère pas que ce soit du rap. J'aimerais beaucoup, mais je n'ai pas encore réussi à le faire. Peut-être plus tard, parce que j'aime bien ça. Mais il y a du débit vocal. Moi, j'ai une manière de chanter. Voilà. J'ai une manière de chanter. Je suis pas un virtuose de la voix. J'aime bien les mots. J'aime bien comme ils sont assemblés. J'aime bien la mélodie que fait les mots. J'aime bien quand ça va vite. Voilà. J'ai des influences qui m'ont amené à ça. Et ce qu'on va écouter tout de suite, puisque nous papotons, mais oui. on va laisser la place à la musique. C'est ce qui vous représente peut-être pas le mieux, mais en tout cas, c'est complémentaire aussi de ce que vous direz. Il y a un morceau qu'on peut voir, là encore, sur la chaîne YouTube, et ça a même donné lieu à un clip, On n'est pas des robots, qui explique peut-être bien ce style musical chez toi. Moi, en chanson pour enfants, j'avais jamais vu quelqu'un qui faisait de l'électro. Alors, je pousse un petit peu le bouchon, mais quand ouais. même, c'est très dansant, très électronique, et vous allez vous en apercevoir tout de suite okay. avec On n'est pas des robots. Ça marche. Brosse-toi les dents, sois prudent, fais pas de bruit, dis merci. Pousse-toi de là, laisse le chat, fais tes devoirs et dis au revoir. On n'est pas des robots. Débrouille-toi. Mais non, vous n'étiez pas dans une rêve partie, c'était Bouclette, on n'est pas des robots. C'est de la chanson pour enfants, mais pas pour famille, hein, puisque notamment tous ceux qui viennent te voir en spectacle, comme c'était le cas à Zingrenadine, je disais juste avant qu'on écoute ce morceau, hein, vous pouvez voir des extraits de ce spectacle que tu avais donné l'an passé sur la chaîne YouTube Bouclette OO. Il y a avec toi ici dans cette émission hors format Jean-Claude Condy, luthier Amircourt. On va voir, hein, puisque vous ne vous connaissiez pas, s'il y a des points communs, et comment vos routes ont été parallèles, mais se sont peut-être croisées à un moment, on ne sait pas. Et puis hors format, c'est aussi une durée qui n'est pas défini au début, puisque en ce samedi 26 mai, nous avons débuté à 14h, et oui, déjà une demi-heure, et nous ne savons pas quand est-ce que nous finirons. Si vous attendez Jean-Claude et Bouclette, je ne sais pas quand est-ce que je vous les renverrai dans vos pénates. Sur ce morceau, on n'est pas des robots, il y a un clip, hein, aussi sur la chaîne YouTube, un clip cheap. Il n'a pas coûté bonbon, mais il y a des astuces. Qu'est-ce que tu veux nous dire, toi, sur ce morceau, son origine, les spécificités électroniques? J'ai acheté, ça m'est arrivé souvent d'acheter des instruments sans savoir comment ils fonctionnaient. Moi j'aime ça, j'aime bien l'esthétique d'un instrument. Ça m'est déjà arrivé d'acheter un trombone à coulisses sans l'avoir essayé, sans avoir jamais soufflé dans un trombone à coulisses. Et je prends plaisir à découvrir petit à petit sur le terrain, comme on dit, comment ça fonctionne. Je suis pas, j'ai pas de formation scolaire dans la musique du tout, à part ce que j'ai fait au collège. Donc ça se limitait à de la flûte à bec. Ça m'a beaucoup servi, j'ai adoré ce moment, mais j'ai pas de formation scolaire, j'apprends un petit peu sur le tas, et c'est plutôt mes rencontres, moi, qui m'ont orienté vers ce que je fais aujourd'hui. Et donc, ce morceau-là, j'ai acheté un synthétiseur, j'avais jamais touché un synthétiseur de ma vie, j'ai acheté un synthétiseur, et j'ai appris à le découvrir, à savoir ce qu'il y avait dedans, parce que dans un synthétiseur, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, et que je n'ai pas toujours encore découvertes. Tu l'as quand même pas démonté, le synthé? Non, je l'ai pas démonté. Je l'ai pas amené. J'aurais pu, mais non, je l'ai pas amené. C'est fascinant pour moi que ce soit un instrument traditionnel classique ou un instrument un petit peu plus moderne. Je trouve ça fascinant ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a tout dedans. Tous les instruments sont réunis dans un synthé. Oui et non. Disons que le synthétiseur, il existe des bruits à l'intérieur et vous en faites ce que vous en voulez. Et puis tu peux rajouter les tiens, comme tu le disais, c'est que tout à l'heure, quand Jean-Claude va jouer de la nickel harpa, si tu veux, tu l'enregistres et après tu le mets dans ton synthé, tu t'en sers pour tes spectacles ou tes compos. Ça peut, exactement. On peut tout faire. On n'est pas des robots, est-ce que c'est un premier titre vers cet univers de chansons pour enfants? Oui, c'est un des premiers. En fait, c'est un des premiers que j'ai écrit avec une nièce, enfin c'est des enfants qui m'ont donné la voix, l'idée sur plusieurs chansons. D'ailleurs, ce sont des enfants qui m'ont, parce que je travaille avec des enfants, on en parlera peut-être ensuite, c'est souvent les enfants qui m'ont donné les idées. Tout à l'heure, tu nous disais que tu as commencé la musique avec batterie, guitare. Ouais. J'imagine que tu as joué avec les copains, tu as monté des groupes. Exactement. C'était plutôt rock? Au départ, c'était plutôt rock, très rock. Hein, rock metal. Dur, hard rock. J'étais très jeune. Oui. C'était pas forcément ma tasse de thé, mais je devais ça à mon frère. Sinon, ça se passait mal entre nous. Donc, je devais participer aux répétitions. Non, mais j'aimais ça. Y a pas de souci. Je suivais des cassettes vidéo Guns N' Roses, etc., pour apprendre. Et on a fait des petits concerts à Remiremont, notamment avec Jean-Nicolas Mathieu, dont on parlait tout à l'heure. Et oui, multiples artistes qui jouent avec beaucoup actuellement, avec Delphine Se Défile, Emmanuel Bemer, la compagnie L'Aéronef, et j'en passe. Et Amélie Armao aussi. Et il est partout, ce Jean-Nicolas. Il est partout, mais il peut, c'est bien. Mais oui, c'est ça, vous les musiciens, on le verra aussi avec Jean-Claude, hein, puisque luthier est musicien, vous avez plein de projets. Avec d'autres. Et toi, qu'est-ce qui fait alors que tu passes de cet univers rock et plus encore à la chanson pour enfants? Quel est le moment charnière? Eh ben, peut-être quand j'ai vu moi-même des enfants. Et puis une période un petit peu plus calme au niveau de la musique, mon travail aussi, qui est toujours en lien avec l'enfance. Et puis, ça faisait très longtemps que j'en parlais. Et puis les groupes que j'écoutais, à un moment donné, j'écoutais beaucoup de groupes indépendants, les Tetraed, les Ogres de Barbac, qui se sont mis, eux, Aldebert, qui se sont mis, eux, à créer des albums pour enfants, et je trouvais ce virage-là plutôt intéressant, et j'avais envie de le prendre aussi. Voilà. Et à un moment où moi, mes groupes s'épuisaient un petit peu, parce qu'un groupe a une durée de vie, donc voilà, les groupes s'épuisent, j'avais envie de mots plus simples, j'avais envie de monde un petit peu enfantin, j'avais envie de ça. Par contre, pas tout seul, j'avais pas du tout envie tout seul, c'était pas du tout l'idée de départ. Parce que moi, je faisais pas de la musique tout seul, j'aimais bien me cacher derrière mes instruments, et finalement... force est de constater qu'il a fallu que je me lance tout seul et je regrette pas. Donc aujourd'hui, je me produis tout seul. Donne-nous quand même quelques noms de groupes auxquels tu as participé. Je suis sûr qu'il y a des gens d'ici, du secteur de Remiremont, qui vont se rappeler, se remémorer, exactement, qu'ils ont bougé leurs cheveux sur la musique de... Alors de Skyfire, mon tout premier groupe. Alors, c'est... voilà, on faisait des reprises rock, du Téléphone, du Police, etc. Ensuite, j'ai eu un groupe qui s'appelait Daily Mineur, qui tourne encore actuellement. Ça a bien marché, Daily Mineur. Daily Mineur, ça marche encore bien, voilà. Si vous allez à la fête de la musique à Remiremont, Mississippi, vous verrez Daily Mineur. Donc j'ai joué de la batterie dans ce groupe-là. Ça existe encore. Exactement, ouais, c'est ça t'a survécu. Voilà, mon frère est d'ailleurs le guitariste de Daily Mineur, voilà. Et ensuite, j'ai eu un groupe qui s'appelait Morayil, qui hélas s'est arrêté suite au décès du chanteur, qui était une bête de scène. Hein, sans ce chanteur-là, et le groupe n'existait plus. Et donc on faisait du ska, voilà, c'était du ska un peu cuivre, enfin c'était cuivré, dynamique. Hein. Ensuite j'ai eu un autre groupe qui s'appelait Joséphine etc, qui a aussi bien tourné pendant quelques années, avec une chanteuse, pareil, qui est là, c'est parti, donc encore une. Ouais, et c'est tout. Et ensuite j'ai eu, j'ai Bouclette, voilà. Et c'est toi? Voilà. Bouclette. Tout seul. Pourquoi tu t'appelles comme ça? Eh ben, parce que ma maman m'a donné des cheveux bouclés, et, dans mon premier travail, je raconte, là, je me livre un peu, là, quand même, Mika. Mais c'est le but de cette émission. Donc, quand j'ai été surveillant au lycée de Saulxures-sur-Moselotte. Lycée professionnel, hein, dans le bois, tout ça. Donc, j'étais surveillant, et, un jeune, m'avait surnommé Bouclette parce que j'avais les cheveux, voilà, bouclés. Je l'avais pas mal pris du tout, c'était amusant, donc j'ai gardé ce nom-là. Et voilà. Fais gaffe parce que le jeune, s'il nous écoute, il va te demander des droits pour que tu puisses utiliser ce nom. Je sais pas s'il s'en souvient, lui. Je sais pas. Mais moi, je me souviens de lui. Ouais. Jean-Claude, toi, t'as pas eu besoin de te casser la tête ou non pour Bouclette, pour choisir un nom de scène. Toi, en tant que luthier, musicien également, ben, c'est Jean-Claude Condy. Oui, j'ai jamais eu de... Même mon atelier, la raison sociale, finalement, depuis peu, j'appelle cet atelier Jean-Claude Condy. C'est original. C'est classique, non, mais le classique, c'est bien. Mais de toute façon, on en revient aux recherches. Maintenant, tout passe par Internet. Quand on a envie de chercher quelqu'un par rapport à une fonction, un musicien, oui, voilà, ou un luthier, on va taper, et c'est les premiers qui sortent, qu'on va taper, on va aller vers eux. C'est rare qu'on aille en dessous, oui, les ça. Pages... suivante. Après, c'est difficile, c'est risqué commercialement de changer de nom en cours de vie. Toi, on peut visiter ton atelier à Mirecourt. Oui. Il y a cette possibilité. Oui. Pour ce faire, bah, je le disais tout à l'heure, il y a le site internet Jean-Claude Condy. Il y a également un numéro de téléphone que je vais donner si tu veux. Oui. C'est peut-être compliqué. Comment on fait quand on travaille sur un instrument et que ça téléphone sans arrêt? Ben, j'arrête de travailler, je réponds. Et t'avances pas dans les commandes? Si, on y arrive. On est plusieurs à l'atelier aussi. Maintenant, pour moi, c'est important parce que c'est... La transmission? C'est la transmission, c'est le partage aussi. Donc, on est, j'ai 4 employés, dont un qui travaille à domicile. Un autre qui est stagiaire, mais l'objectif étant de le garder. Et puis 2 salariés à plein temps, là, depuis quelques années. J'ai des salariés depuis 98, en fait. Tu as envie que Jean-Claude ne travaille pas et qu'il laisse faire à sa place ses salariés, tu peux l'appeler au 03 29 38 55 54. 03 29 38 55 54. Ça peut être pour une commande, mais ça peut être surtout après pour un rendez-vous, puisque j'imagine que les commandes se passent rarement uniquement par téléphone. Tu fais du sur-mesure. Après, il y a besoin de voir aussi la personne. Oui, il y a beaucoup de... Il y a quand même une... Il y a beaucoup de possibilités de nickel arpa, hein, entre les ténors, les altos, les sopranes, les nickel arpa bourdons. Il y a quand même pas mal de formules. Je propose aussi aux gens de venir fabriquer leur instrument chez moi. Des Donc stages. Des stages de fabrication qui durent, on va dire, une dizaine de jours. Alors on le fait un peu comme on peut, quoi. C'est-à-dire on vient une semaine et puis si c'est pas fini, bah c'est pas fini, c'est sûr. Non, on revient une autre semaine, des fois un peu plus tard, 3-4 semaines après. Disons je m'adapte un petit peu. Ou alors, donc bien sûr j'ai fait ça. J'organise pendant 2 week-ends et la semaine du milieu, je déplace tout mon matériel et là j'anime un stage où on est une dizaine. C'est quand le prochain stage de fabrication de nickel arpa? Pour l'instant, je suis obligé d'expliquer un peu un minimum de trucs. C'est-à-dire que j'ai changé de modèle. En fait, j'ai créé différents modèles. Ça, c'est quand même une des particularités de l'atelier. C'est que je ne fais pas de copie d'instruments traditionnels. Tous ces instruments évoluent, ont évolué. Je considère que la lutherie, comme la musique traditionnelle, c'est une musique et une lutherie vivante. Donc, elle bouge. Ça bouge, ça va là où ça veut aller, suite à une idée, suite à une demande, des fois, d'un client qui voudrait ça plutôt que ça. Donc, on y réfléchit, on fait pas. Bon, voilà. Et pour la musique, c'est pareil. La musique traditionnelle, ce qui la dissocierait peut-être un petit peu du folklore, où on avait un peu dans l'idée, probablement, de garder dans le folklore, un style de musique d'une époque bien déterminée. Et alors que dans la musique traditionnelle, voilà, c'est un train qui s'est remis en route et qui évolue, qui bouge, mais toujours avec une espèce de une ligne, comment dire, une trame qui sur lequel on s'assoit un petit peu. Pour construire une musique traditionnelle, ce qui la rapproche toujours, ce qui la garde un petit peu dans la musique traditionnelle. Pour moi, c'est vraiment une musique finalement contemporaine et moderne. Ça fait penser un peu au jazz. Le jazz de Nouvelle-Orléans, c'était une musique traditionnelle, populaire, et puis les choses ont évolué, et puis voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. Et il se passe déjà ça en musique traditionnelle. Il y a des musiciens qui, il y a eu des mélanges musique trad, jazz, musique de variété, des influences diverses et variées. On en revient à l'ouverture. Oui. Par rapport aux stagiaires que tu reçois. Alors. Donc les stagiaires là, du coup, pour l'instant, j'ai pas de date prévue. C'est-à-dire que les gens s'y sont intéressés, ils m'appellent et puis sur une période de 5-6 mois, on essaye de trouver une semaine ou deux semaines, quoi. Pour l'instant, je fais comme ça. Bouclette, on appelle à quel numéro? Le mien. Non, mais mon. Ah non, mais pour Jean-Claude, t'as retenu? 03 29 38 54. Non, 38 55 54. Je vais faire le malin. 03 29 38 55 54. Pour les stages de Jean-Claude, pour également si vous avez envie de faire fabriquer sur mesure un instrument traditionnel, on parle de la nickel arpa qu'on entendra, ne t'inquiète pas, ça viendra tout à l'heure, hein. C'est un teaser que ça s'appelle. Oui, et puis te faire jouer aussi, hein, puisque tu es musicien, en tout cas, ce numéro sert pour tout ce que tu proposes, Jean-Claude. Oui. Et tiens, je dis, on va l'entendre, cet instrument, ben, je crois que c'est le moment. Lequel des trois que tu as emmené aujourd'hui dans le studio de Radio Gemozo, tu as envie de nous faire entendre en premier? Est-ce qu'il y a une logique d'écoute? Non. Ou pas? Non, il n'y a pas. Là, j'ai ramené trois instruments. J'ai ramené donc une nickel arpa alto. Voilà. qui est peut-être aujourd'hui le plus fréquent. Voilà. Alto, parce qu'il est accordé comme un violon alto, do, sol, ré, la, donc ça se situe dans cette tessiture hauteur. Donc je vais peut-être expliquer un petit peu le fonctionnement même avant, de comme ça les gens vont imaginer, voilà. Donc on pourrait imaginer la nickel harpa comme un gros violon qui se serait allongé comme ça, et sur le manche qui est très large, on a un clavier à quatre rangées, donc on a une rangée de clés, de touches de clés. C'est ce qui donne le nom, hein, si vous avez écouté le début de l'émission, nickel, ça veut dire clé. Clé, voilà. Donc là, il y a quatre cordes mélodiques, donc quatre rangées de clés. Et dessous ces quatre rangées de clés et ces quatre cordes mélodiques, on a 12 cordes de résonance, des cordes dites des cordes sympathiques. Hein, c'est un phénomène physique qu'on identifie par la sympathie. Donc, quand je fais une note sur ma corde mélodique, je vais avoir dessous une corde sympathique qui va résonner et qui va prolonger la résonance de la note que je viens de jouer. Donc, bien sûr, on enchaîne les notes les unes derrière les autres, donc il va y avoir très vite une espèce d'enveloppe de sonore, de toutes ces notes par sympathie vont résonner. C'est pas le seul instrument. La nickel harpa fait partie d'une famille d'instruments à cordes sympathiques. Probablement qu'au monde, il existe, disons, une trentaine d'instruments un peu différents. Alors, par exemple, pour les plus connus, vous avez le sitar indien qui était joué par Ravi Shankar, c'est peut-être des années 60, voilà, et c'est quand même un instrument qui est pratiqué, qui est assez connu. Sauf que lui, il est à cordes pincées, mais vous avez la vielle sarangi, qui est souvent jouée avec le sitar, c'est un instrument plutôt de l'Inde du Nord, mais vous avez la ravanata au Rajasthan, le tambour en Afghanistan. Enfin là, il y en a un qu'on voit un peu ici parce qu'il y a des musiciens à Strasbourg, il y a la gadulka, qui est une petite vielle de Bulgarie qui se joue avec les ongles. Hein, c'est-à-dire que l'instrument est vertical et on vient toucher la corde sur le côté avec les ongles, qui est joué dans un groupe qui tourne plutôt pas mal, qui s'appelle les violons barbares. Peut-être non, ils sont pas passés par là. En tout cas, c'est des gens qui tournent beaucoup et c'est une musique traditionnelle contemporaine. Ça le fait. C'est vraiment puis l'instrument, on l'entend, c'est magnifique. Et si vous voulez voir à quoi ressemblent tous ces instruments, vous allez sur le site de Jean-Claude Condy. Il y a effectivement une page où il y a, je sais plus comment j'ai intitulé ça, exposition d'instruments à cordes sympathiques. D'ailleurs, c'est une expo que je vends, enfin que je loue. Hein, je l'ai fait plusieurs fois dans des MJC. Voilà. T'étais à la Souris Verte récemment. Et voilà, oui, on avait fait ça. Au mois de mars. Voilà, autour d'un projet, autour de la nickel harpa, je veux dire, la Souris Verte et la MJC Savouré avaient fait venir un groupe de Suède, le groupe Vezon. Et on a mis un peu l'accent sur la nickel harpa, mais aussi sur les instruments à cordes sympathiques. Ouais. Et si vous faites venir Jean-Claude et sa collection, ça ne sera pas que des photos, là, hein, comme vous pouvez les voir sur le site. Là, il y aura les vrais instruments. Et puis, je pense que Jean-Claude expliquera. Hein, tu ne fais pas qu'exposer, tu fais des démonstrations aussi, des démos. Oui, l'idée, bien sûr, en exposant, c'est un support. Aussi pour l'idée, c'est d'expliquer, de voir. C'est chaque instrument est une sculpture. En fait, c'est les instruments, ils sont magnifiques. Ils sont tous très différents. Pourtant, ils ont tous cette histoire en commun, les cordes sympathiques. On écoute la nickel harpa. Je vérifie un petit peu l'accord. Thank you. Merci Jean-Claude Condy en direct du studio de Radio Gamozo avec la Nickel Arpa. Jean-Claude est luthier et archetier, hein, tu fabriques des archets puisque pour la Nickel Arpa, eh bien, il y a un archet. Effectivement, et c'est peut-être là ma seule formation en fait. En fait, je suis venu à Mirecourt en 90 chez Gilles Duhaut, donc qui était archetier, pour travailler, pour apprendre et travailler pour lui. J'ai travaillé quelques années pour lui, où j'ai appris à faire des archets du quatuor, violon, violoncelle. Et j'ai transposé le concept de l'archeterie du quatuor moderne aux archets de la Nickel Arpa. Alors ça a l'air comme ça, ça a l'air de rien, hein, finalement c'est... Ceci dit, on prend un porte-manteau, on met du fil à pêche et ça marche, on met de la colophane, ça va marcher, on arrivera à sortir un son. Mais quand même, très vite, quand on pratique l'instrument, on s'aperçoit très vite que l'archet, c'est une part importante de l'instrument. Le son dépendra, et puis la subtilité, la souplesse, la résonance de l'archet aussi. Un archet résonne, il n'y a pas que l'instrument. Voilà, l'archet doit vibrer. S'il vibre bien, on aura une sonorité particulière. Qu'est-ce que tu nous as joué là, la Nickel Arpa? Alors j'ai joué une pièce suédoise qui s'appelle Troll Polska. La polska, c'est une danse typique scandinave, suédoise, d'accord? Qui veut dire la polonaise, on est bien d'accord. Ça vient probablement d'ailleurs de cette époque où on était finalement bien avant l'Europe. Il s'est changé beaucoup de choses culturellement. Nous aussi, on a eu une belle époque aussi, je pense, avec la Pologne. Et voilà, c'est une danse qui est très particulière, qui est une danse à trois temps, un peu comme la valse ou la mazurka, ça ressemblerait un petit peu. Mais quand même, c'est pas tout à fait pareil. Les temps forts ne sont pas au même, ne sont pas là où on les entend vraiment, on les attend vraiment. Hein, on va marquer le premier et le troisième temps de la mesure et on va mettre un petit accent un peu avant ou un petit peu après sur le deuxième temps. Enfin, alors ce qui lui donne un petit peu ce qui lui donne cette particularité qui je pense qui est quelque chose de très excitant pour le danseur parce que c'est vraiment une danse quand on voit ces couples danser la polska c'est il y a quelque chose de très très beau. Oh, le joli point commun entre Jean-Claude Condy, musicien luthier de musique traditionnelle, et Bouclette, qui font danser tous les deux. Jean-Claude, vous l'avez compris, il vient de l'expliquer, et Bouclette aussi, les enfants, avec sa musique à texte, enfin, les textes, les chansons à texte, et les musiques plutôt électro. Il y a des vidéos que vous pouvez voir, notamment sur la page Facebook, Bouclette OO. Quand on tape comme ça, hein, c'est facile, on tombe dessus. Alors, tu as rajouté les deux pour pouvoir te différencier, qu'on arrive à tomber sur ta page. Voilà. Sinon, et puis, qu'avec Bouclette, c'est pas possible. Voilà. Et quand j'ai fait ça, j'étais reconnu nulle part. Donc, je l'ai fait vraiment sans penser qu'on me demanderait pourquoi ensuite. Je suis content que tu me demandes pourquoi. Donc, sur le coup, quand je l'ai fait, je me suis dit, tiens, on dirait une tête d'adulte avec deux yeux et une tête d'enfant avec deux yeux. Je me suis dit, bon, tiens, ça représente un petit peu la famille. Voilà. L'adulte, l'enfant. Et il y a les trémas sur les deux. Alors, il y a un O minuscule avec tréma, un O majuscule avec tréma également. Mais si, ne vous inquiétez pas, vous tapez Bouclette OO, tout simplement. Et puis, on tombe dessus sur cette page Facebook. La chaîne YouTube également, où on voit les vidéos et on voit les enfants comme ils s'éclatent. Parler de danse, mais notamment sur On n'est pas des robots, mais pas que, c'est la teuf hein, pour les mômes. Oui, alors moi, justement, j'aime les arts de rue hein, aussi. J'ai eu une période, j'aime encore beaucoup les arts de rue, donc que ce soit la danse, les arts du cirque, etc. Donc j'ai voulu remettre ça un petit peu, vu que c'est des choses que je savais faire, je me suis dit, ben après tout, voilà, on y va, on en met quoi. Donc il y a un passage un petit peu hip-hop, il y a beaucoup de visuels. Je pense que sur scène, j'ai travaillé pour qu'il se passe toujours quelque chose. Voilà. L'idée, c'est pas de faire une chanson assis sur une chaise. Enfin, c'était pas mon idée de faire assis sur une chaise raconter une histoire. Je voulais que visuellement, dans chaque chanson, il se passe quelque chose. Voilà. C'était quelque chose que, voilà. Je pouvais pas passer à côté de ça. C'était indispensable pour moi que ça se passe comme ça. Qui dit danse dit corps. Et il y a une chanson. Oui. Qui parle du corps? Oui, qui s'appelle mon corps cause. Alors mon corps cause. Mais tais-toi, on va l'écouter. Mais oui, y a pas de souci. Eh ben vas-y, Mika, on voit. Gargouille, très tôt ce matin, on dirait mille grenouilles, c'est parce que j'ai faim. Un bruit très suspect, suivi d'une odeur, je crois bien que c'est un paix, aux toilettes un quart d'heure. Et mal à la tête, dedans c'est la bousculade. Maman est très inquiète, moi, je suis malade. Mes yeux me tiraillent, je les sens lourdeaux. Et voilà que je baille, je file au dodo. Oh là là, quelle galère, je souffle comme un porc, et mon cœur s'accélère, je crois que j'aime pas le sport. Tiens, comme c'est bizarre, je me suis enfilé le paquet à une de ces vitesses, les carambars. Et j'ai le hoquet. Oh non, ça c'est pas cool. J'ai les yeux qui piquent et le nez qui coule. Je suis allergique. Et il n'y a pas que le corps de Bouclette hein, qui cause. Bouclette, lui, il n'arrête pas de papoter pendant qu'il y a ses chansons qui passent. Oui, je suis une balance. Hein. Jean-Claude Condy et Bouclette, ils papotent tranquillement. Mais oui, c'est le moment de reprendre et de parler de ce titre qu'on vient d'entendre, Bouclette. C'est toi qui l'as écrit, composé oui, oui. Et qui interprète Mon corps cause. Oui. Alors, bien sûr, tout ça exprès pour me contredire, hein, puisque je parlais de ton côté musique électro pour enfants. Là, c'est simple guitare sèche avec oui. Beaucoup de bruitage. Voilà, c'est ça. Non, celle-là, elle est née assez dans les dernières. Elle est assez jeune. Celle-là est venue comme ça. Vous voyez, moi, je l'ai écrite comme ça. Mais de quoi de quoi elle est née? Eh ben, son corps te cause née, vraiment. De quoi elle est née? Mais j'en sais rien. De quoi elle est née? Non, mais elle est née de j'avais envie que ce soit sonore. Voilà, tout simplement. J'avais envie que ce soit sonore. Les bruits du corps, c'était évident. Ouais, c'était évident. Et ça fait rire les enfants, les ça adultes fait aussi. Ouais. Est-ce que parfois je demandais l'origine du morceau. Est-ce que tes enfants, hein, tu as des enfants, oui. Tu l'expliquais, oui. Te donnent des idées involontairement peut-être de chansons. Exactement. Oui, je pense. Mes enfants et ceux avec lesquels je travaille, puisque moi. Surtout ma petite fille encore petite, donc oui, elle m'a donné des idées évidemment, mais c'est surtout que quand j'ai composé ce spectacle, quand je l'ai écrit, j'ai fait ça sur une année complète, hein. J'ai pris beaucoup de temps, j'ai eu du mal à me lancer moi, je suis comme ça, moi j'ai du mal à Je m'en ai décollé. Et quand je me suis lancé, donc je révisais à la maison, mais toujours avec elle. Et elle reprenait les. Elle était jeune, hein, elle avait 2 ans et demi. Elle reprenait facilement mes fins de phrase, quoi. Ouais. Tu disais, c'est bon, ça fonctionne. Ouais. Alors que justement, je dédiais ces chansons à un public un petit peu plus âgé. En général, je dis 4-12 ans. Voilà, 4-12 ans. Mais finalement, chez les petits, j'ai eu l'occasion de jouer dans une MAM. Hein, dans une maison d'assistante maternelle. Alors, j'avais dit, je sais pas si ça va marcher, ils sont petits, je suis pas forcément à l'aise. Et finalement, ça a bien fonctionné. Même les petits, même si le texte n'est pas toujours compris, entendu, visuellement, il y a quelque chose. Et le rythme, voilà. Aussi. Ouais, le rythme, ouais. Et je partage assez sur scène, mes instruments, il y a pas de souci, moi si j'explique comment ça fonctionne un synthétiseur, voilà, c'est déjà arrivé qu'il y a des enfants qui m'aident, voilà, je prête, ça m'est déjà arrivé de prêter mon matériel avec des tout petits et c'est fascinant de voir quand ils appuient sur une touche les yeux qui s'émerveillent un petit peu au son qui sort. Et tu tournes pas mal dans les écoles ? J'ai pu voir ça sur Internet. Alors, les écoles, c'était ma première cible. C'était ma première cible. Et finalement, donc pas mal, oui, enfin, on s'est vite dit, c'est pas plus qu'une association ou un festival ou non, c'est pas plus. Voilà. Mais en tout cas, tout ce que tu viens de dire, c'est tous ceux qui peuvent faire appel à toi, même les particuliers. Tu sais qu'il y a la mode depuis quelques années des concerts en appart. Oui, j'ai entendu ça, on m'a déjà aussi proposé. Il y a un site, un concertenappart.com où les gens, d'accord. Oui, les musiciens peuvent s'inscrire. Et puis les gens, quand ils cherchent dans leur secteur un musicien ou pour du théâtre, ils tapent et puis ils voient les artistes présents. Ah ouais. Maintenant, on commande les artistes à la maison, quoi. C'est ça. C'est tout à fait ça. Bah oui, c'est comme le drive, quoi. Hein. Au moins on en fait, mais oui, voilà, c'est ça. Non, je connaissais pas ce principe. Je connaissais pas. Après, moi, j'aime beaucoup jouer dans les écoles parce que c'est une concentration d'enfants. En général, je joue. On me demande pour quel niveau j'interviens. Moi, je dis tout le monde. Moi, de la maternelle au CM2, donc en général, ça fait une grosse concentration d'enfants, 100-150 enfants. Et j'aime assez le bruit qu'on peut faire, le silence qu'on peut faire aussi. On peut faire taire une salle très facilement, on peut faire beaucoup de bruit très facilement et j'aime bien jouer avec ça. Bouclette le gourou. Ouais. Dans les écoles. Non, voilà. Et je me déplace tout seul, je m'adapte vraiment, que ce soit au niveau de la salle, au niveau des tarifs, au niveau. Voilà, je. Ça se négocie. Exactement. On peut te joindre où ? En plus de la page Facebook Bouclette OO, il y a un numéro de téléphone ? Alors, oui, sur ma. Alors, non, je sais pas en fait. Mais je l'ai pas trouvé, c'est pas je marqué. Je ne sais pas, mais peut-être que non. Ben voilà. Non, c'est pour ça que je te le demande. Sachant que je suis très connecté, si vous allez sur la page Facebook, vous m'envoyez un message via Messenger, je réponds dans l'heure. En général, réponds dans l'heure qui suit. Voilà. Ouais, c'est ça. Je suis assez connecté. C'est mon seul moyen de diffusion. En fait, Facebook, c'est mon seul moyen de diffusion. J'ai pas cherché d'autres moyens. Je trouve que pour moi, c'est le plus facile et le plus adéquat. Voilà, pour l'instant. Ok, ben, ce qui est sympa, moi, ce que j'ai remarqué aussi quand tu es allé dans les écoles ou même dans la MAM, ben, c'est l'échange, bien sûr, mais aussi, après les enfants, comment ils vont travailler sur un ou plusieurs de tes morceaux, notamment les illustrer, t'illustrer, te dessiner, toi, il y a des dessins qui sont géniaux, j'ai trouvé. Il y a une vraie interaction, c'est-à-dire qu'il y a le moment où tu chantes, mais il y a aussi l'après, où eux, ça va les nourrir dans leur propre création. Exactement, je crois que ça donne un petit peu de travail aux enseignants, ce que je trouve, moi, fort sympathique. J'arrive, oui, en effet, j'ai des dessins, et l'autre jour, donc, j'étais à Usmain, et j'ai eu droit à une interview avec des questions qui venaient des enfants. J'ai trouvé les questions très pertinentes. J'ai trouvé ça génial. Donc j'ai passé une heure de plus à l'école pour répondre aux questions et c'était des... Voilà, je trouve que c'était des enfants sérieux, qui avaient envie de connaître, qui avaient envie de savoir. Voilà, j'ai l'impression que les enfants sont un petit peu soif de... On soif de ça, on soif de savoir, mais comment il fait ça, comment je fais ça, comment je fais tel rythme, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de... Ça, je trouve ça assez sympa. sur le coup. Ils poursuivent leur apprentissage avec toi, et toi, tu peux poursuivre aussi ton apprentissage musical, notamment avec Jean-Claude cet après-midi. Qu'est-ce que tu as pensé de la Nickel Harpa qu'il nous a joué tout à l'heure, le Nickel Harpa, moi, toi, j'ai trouvé... Tu le préfères garçon. Ouais, le masculin l'emporte. Surtout celui, bon, vous voyez pas, on verra les deux autres Nickel Harpa tout à l'heure, mais celui-ci ou celle-ci, c'est vrai que ça aurait pu être plus masculin dans son côté brut. C'était assez imposant. Ah oui. Physiquement. Non, je sais pas. Toi, tu le voyais plus homme ou femme, l'instrument sur lequel tu as joué précédemment? Ah non, moi c'est vraiment féminin, quoi. Ouais. Les formes, il hein, y a ces formes. Il y a les formes, galbées. Et puis je sais pas. Il y a, bon, c'est peut-être des a priori aussi, mais je trouve qu'il y a une, pour moi la musique, c'est, enfin, il y a une sensibilité, quoi, dans. Alors, je veux dire qui est plus féminine, mais certainement une erreur. Il y a des tas d'hommes très sensibles. Et heureusement, il n'y a pas que des brutes, quoi. Mais c'est vrai que, et c'est pareil, chez les femmes, il doit y avoir des brutes, hein. Mais quand même, il y a quelque chose, effectivement, en tout cas, de l'idée que je m'en fais. Et t'aimes à te dire que tu ne joues que sur des suédoises, puisqu'on le rappelle, c'est un instrument d'origine suédoise. Ouais, voilà. Oh, la chanceux. Ouais, Bouclette, alors toi, tes impressions, tu ne connaissais pas cet instrument? Alors moi, je connaissais pas, non, mais je suis allé quand même un petit peu visiter, hein, ouais. J'ai fait comme toi, je me suis... Quand tu as su qu'il était invité, ouais, avec toi, Jean-Claude, t'es, oui, allé voir. Hein. Mais moi, je me suis fait une fausse idée quand j'ai entendu le nom, j'ai cru que c'était l'instrument du personnage d'Astérix, là, le barde. Ah bah, mais en fait, pas du tout. Ah bah, lui, il joue de la lyre. Hein, mais écoute, c'est génial. Hein, j'adore encore une fois que les émissions se répondent. Hors format, il y a deux semaines, Guillaume Louis, le conteur, a joué, entre autres, hein, il avait emmené plein d'instruments, de la lyre gauloise. Ah ouais. Et il y avait ce fameux Assurance Touriste que le barde, mais ce n'est pas Jean-Claude. Non, voilà. Donc je pensais que c'était un instrument comme ça. Et donc je suis allé sur le site de Jean-Claude et j'ai vu donc. Voilà à quoi ça ressemblait. Mais en vrai, c'est chouette. Hein. C'est complexe. C'est alors complexe, je sais pas si c'est vraiment complexe. C'est avec toutes ces touches et puis en plus il faut frotter, faut tout faire. Oui, mais enfin quand il en joue, t'as vu, c'est une danse. Il y a facile, quoi, mais il y a plusieurs décennies de pratique. C'est très doux, c'est sensuel. Non, mais ah oui, c'est vrai. C'est doux. Moi, en voyant les touches, hein, je disais tout à l'heure, j'ai cru qu'il allait appuyer dessus. En fait, non, il fait juste les effleurer, les pousser. Hein. Donc je connaissais pas, mais je suis content d'avoir vu de près. Je suis content d'avoir, c'est sympathique. Sympathique. Ce qu'il faut. Les cordes sympathiques, on en revient, puisque c'est vraiment ce qu'aime Jean-Claude. Il a aussi sa collection d'instruments en cordes sympathiques. Ce qu'il faut imaginer, on pense que les premiers instruments à cordes frottées arrivent en Europe à peu près au 9e siècle. Après. Hein, c'est pas vieux, quoi. C'est pas si vieux que ça, les instruments à cordes frottées. Alors que on connaît des tas d'autres systèmes avant, les vents, les harpes dans l'Antiquité, dans la Grèce antique, tout existe pratiquement. Mais il n'y a pas d'instrument à cordes frottées. Donc ça c'est plus tard. Et les premiers instruments à cordes frottées se tiennent verticalement. Un peu comme un violoncelle, aussi, pour ceux qui voient. En tout cas, les cordes sont verticales. Et on vient toucher la corde sur le côté avec les ongles. Pour produire la note. On frotte avec un archet. Bon, ça change pas. C'est toujours comme ça maintenant. Mais on touche toujours, parce qu'il y a des tas d'instruments qui existent et qui sont toujours joués comme ça. On vient donc toucher la corde sur le côté. Avec l'ongle. C'est le cas, par exemple, de la gadulka, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vient de Bulgarie, de la vielle sarangi, de la vielle cheval en Mongolie. Ah, elle est magnifique aussi, hein. C'est voilà. Là, si vous avez l'occasion d'en voir. Oui. En vrai, je sais pas, ça doit être quand même rare ici, mais en photo, la vielle mongole, mais c'est comme tous les instruments que tu proposes, que tu travailles, ce sont encore une fois des objets d'art, hein, je le disais il y a deux semaines, mais c'est vrai. Ils ont en plus quelque chose de particulier, je pense à la vielle cheval, mais par exemple Yuiko qui vient de Finlande, c'est que les cordes sont en crin, hein, sont en queue de cheval. Alors, on est loin de la corde métallique brillante, hein, d'une corde pincée. Là, on est quand même, c'est carrément, c'est l'opposé, c'est le contraire. C'est soyeux, comme le disait tout à l'heure Bouclette, en parlant de sensualité, de, voilà. Ah, il y a ce côté charnel. Il y a dans la sonorité d'une corde frottée en crin, une espèce de d'enrichissement de tout un tas de petits parasites, de bruits parasites, quoi, je trouve ça trop bien. Vraiment, c'est le contraire de ce qu'on aimerait, de ce qu'on attend d'un violon. On attend un son puissant, clair, brillant, et précis. Alors que là, c'est pas tout à fait, c'est un peu le contraire. Et donc voilà. C'était la technique de jeu. Et alors, la nickel harpa, on ne fait que remplacer les ongles par des petites pièces en bois qui interviennent à un endroit précis, donc qui correspond à chaque note, mais avec encore un petit truc supplémentaire, c'est que quand on fait vibrer cette corde, on la fait vibrer avec l'archet entre le sautereau et le chevalet, comme tous les instruments, ou même une guitare, on fait pareil, mais de l'autre côté, il reste un petit bout de corde, bah, qui lui va se retrouver pratiquement tout le temps en harmonie avec la note qu'on produit. Ce qui n'est pas le cas de la guitare, parce que c'est quand même un peu, mais dans la guitare, quand on écrase la corde, on enlève au manche un demi-ton. Hein, on enlève un bout de corde. Donc le bout qui reste se trouve très éloigné harmoniquement. C'est juste, je pense sincèrement que c'est ce qui les a conduits à aller dans ce sens-là, même si c'est pas flagrant. C'est juste une histoire de principe. C'est comme ça que ça doit marcher le mieux. Alors on fait des choses pour que ça marche au mieux. Après, c'est peut-être pas plus près, mais en travaillant, on y arrive. Hein. Au Moyen-Âge, ils connaissaient déjà tout. Enfin, je veux dire, musicalement, tout était posé. Ils n'étaient pas bredins, quoi. Loin de là. Donc, ils avaient des instruments diatoniques et pas chromatiques, parce que c'était un choix aussi esthétique. Tu proposes des stages de fabrication de nickel harpa, également des stages pour en jouer? De pratique, oui. Je sais pas pourquoi je fais comme ça, comme si c'était de la guitare. Oui, ben. Effectivement, on a, alors depuis une trentaine d'années, effectivement, il y a quand même à peu près 300, un peu plus peut-être, de 300 de gens qui pratiquent cet instrument-là en France. Alors, on organise, donc maintenant il y a des profs. Hein, il y a, je pense à Eleonore Billy, par exemple, qui Jennifer Desmarais, Florence Desvignes, Anne Schley. Des femmes. Mais oui. Est-ce que des femmes? Exactement. Et il y a des lieux un peu partout en France où on pratique cet instrument. Alors c'est des stages qu'on monte pendant 15 ans. On a organisé des stages tout près d'ici à Saucourt, près de Charmes, là. Pendant les rencontres de Saucourt. Voilà, c'était dans le cadre d'ailleurs. Ouais. Voilà, c'était dans le cadre des rencontres. Là, ça s'est arrêté. Voilà, les choses changent. On va en organiser un en novembre à Épinal, à la MJC. Enfin, c'est en construction, mais il y a de fortes chances que ça se fasse à la MJC Saint-Laurent. Voilà, à Clermont-Ferrand, à Annecy, en Bretagne. Voilà, il y a, allez, une bonne dizaine, entre 10 et 15 stages de pratique par an. On a fait une méthode aussi qui est relativement complète, avec des liens, avec des vidéos sur Internet ou avec les exercices. Donc ça, c'est aussi, c'est juste pratique et c'est juste bien. On peut le repasser, hein, on peut le repasser autant de fois qu'on veut. Ça ne va pas agacer le professeur de répéter toujours le truc. Donc ça, c'est quand même... on organise des journées aussi, des petites journées où les gens viennent le matin, ils amènent de quoi manger, et puis le soir, on fait une petite fête. Et puis, on se retrouve aussi... Ça, c'est je sais pas, c'est nouveau, mais ça prend plus de sens. On organise des retrouvailles dans les festivals. on se donne voilà ce qui vient. Alors on là aussi il y a un petit répertoire que les gens travaillent, ce qui fait que lorsqu'on se retrouve, on a un petit répertoire commun. T'as des prochaines dates à donner? Alors, il y a le 11 novembre, là, certainement, de mémoire, comme ça, j'ai honte, je me souviens pas. Il y en a au juillet, août. Alors, il y a un site, nickelharpa.fr. nickelharpa.fr, www.nickelharpa.fr. Et en général, sur ce site, tout est publié. Les stages de pratique. Et aussi de fabrication quand il y en aura programmé. Je sais, tu te demandes comment écrire Nickel Harpa, mais je vais t'aider. NYCKELHARPA. Et de toute façon, tu tapes tout simplement Jean-Claude Condy dans ton moteur de recherche et tu tombes en premier lieu sur son site. Et voilà, il y a les renseignements nécessaires. La deuxième Nickel Harpa que tu pourrais nous présenter, faire entendre aujourd'hui, quelle est-elle? Où se cache-t-elle? Je ne la vois plus. Elle a disparu. Là, on va faire un petit saut. On va revenir. Mais c'est la même que tout à l'heure. Non, c'est pas le même. Ah, mais c'est quoi? Elles se ressemblent. Mais oui. Moi, je croyais qu'elles étaient très différentes. Celle que tu avais emmenée. Si, elle est différente. Celle-ci, elle n'a que deux rangées. Ah oui. Il y a deux cordes mélodiques et deux bourdons. Alors, c'est à la fois un instrument ancien. Hein, c'est ce que je disais jusqu'en 1920. La Nickel Harpa est comme ça. Mais en même temps, elle a énormément évolué. C'est-à-dire que j'ai fait cet instrument, enfin j'ai modifié cet instrument pour qu'il soit pratiqué par des gens qui font de la musique ancienne, médiévale, ou un peu du métal, parce qu'il y a des fusions comme ça de entre gothique, métal, médiéval. Ça parle à bouclette, ça. Il se remémore il y a quelques années auparavant. Et voilà. Avec le frangin. L'idée, c'était de retrouver des instruments à bourdon. J'expliquais tout à l'heure que l'instrument à bourdon, il avait cet inconvénient, c'est qu'on était obligé de jouer que dans une tonalité. Ouais. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un instrument avec des bourdons dont on peut changer la note. Donc je peux mettre un bourdon en sol, en la, en si, en do, en ré, en mi, en fa, en sol. Donc ça fait quand même pas mal de possibilités. Ouais, voilà. Et en plus, on peut les doubler. On peut les doubler en quinte, en quarte. Tout n'est pas possible, mais ça laisse quand même pas mal de... Et bon, ce qui est sympa, c'est quand même de retrouver le bourdon, avant tout. Merci Jean-Claude Condy. Quel est ce morceau que tu as joué? Je ne sais même pas son nom. C'est déjà un thème très ancien. Et comme beaucoup de... C'est une mélodie qui accompagne un chant épique, souvent qui racontait une histoire et qui se danse. Donc cette danse, par contre, c'est une longue danse. Donc c'est une danse où... En fait, surtout en fin de soirée, on est bien épuisé, on se tient bras dessus, bras dessous. et on se déplace sur ce rythme. Voilà. Alors c'est assez magique quand il y a 500-600 personnes, ça fait une espèce de petit, voilà, tout le monde bouge en même temps, calmement, et normalement, il y avait la chanson qui racontait une histoire. Une époque où il n'y avait pas de radio. Il n'y a jamais de paroles sur ça. C'est instrumental. Non, mais il y a des groupes qui reprennent, par exemple, cet instrument-là avec des textes. Oui, ça existe. Ouais. D'accord. Des ensembles où ça se joue à plusieurs. Ah oui, aussi, oui. Il y a, franchement, aujourd'hui, bon, il y a historiquement, traditionnellement, il y a des concepts qui se reproduisent, mais tout est possible. On a, par exemple, il y a quelques années, on a à Saucourt, dans le cadre des activités de Saucourt, on a commandé 30 minutes de musique contemporaine à 4 voix pour on était à peu près une vingtaine de nickel harpa. Et c'est assez très sympa comme idée, et puis surtout les pièces, ouais, elles étaient et ça c'est intéressant parce que ça a généré une certaine émotion parce que nous apprenons en général, c'est un apprentissage oral, hein, la musique, comme la musique traditionnelle en général, très peu, enfin, c'est de plus en plus de gens savent lire, mais peu, il y a des musiciens qui ne lisent pas la musique. Donc l'apprentissage, il est oral. La prof, elle joue 2-3 fois le morceau, après on le découpe en petits bouts, puis on apprend petite partie par petite partie, après on colle tout ça, et au bout d'une heure ou deux, on a la mélodie. Bon, c'est pas trop compliqué, parce que des fois, il y a des subtilités rythmiques et tout, qui sont pas, surtout dans les musiques suédoises, qui sont pas faciles à comprendre. Mais là, on est parti, un compositeur, il nous a fait des partitions. Donc, on est parti de voix. Personne n'avait d'idée de l'interprétation. Alors, une musique traditionnelle, la prof, elle le joue, déjà, elle l'interprète. Donc, on se fait déjà une idée, parce que vous prenez une partition avec juste des notes mis bout à bout, même s'il y a quelques indications. Voilà, c'est pas, pour des débutants, c'est pas facile à donner un sens à ces suites de notes. Et là, tout s'est construit autour de différentes répétitions. Il a fallu quand même bosser, et puis les gens qui lisaient pas, la prof, bien sûr, avait enregistré les petites séquences. Mais là, c'est une belle aventure. On est venu jouer, on a joué ça au musée d'Épinal d'art contemporain. On est allé jouer à Saint-Dié aussi. Voilà, on a fait 3-4 concerts pour restituer tout ce travail. Oui, voilà. Après, il y a des gens qui font de la musique classique ou baroque, parce que tout, ça évoque un petit peu cette sonorité. Donc, il y a des gens qui trouvent un intérêt, donc alors qu'ils n'existaient pas comme ça forcément. Donc, ils se réapproprient l'instrument. Pareil pour la musique médiévale, il n'existait pas comme ça. Bon, bah voilà, maintenant, il existe dans cette nouvelle version de musique médiévale. Et puis il y a essentiellement des musiques traditionnelles, scandinaves ou celtico-scandinaves aussi, où il y a un espèce de doux mélange, voilà. Et au sein de cet esprit traditionnel, il y a des gens qui composent dans la suite logique de cette musique. On parlait de concerts et de festivals avec Jean-Claude Condy. Sachez que si vous voulez faire venir jouer Bouclette pour vous, votre festival par exemple, ou si vous avez envie d'aller le voir, il faut vous appeler automatiquement, en tout cas dans votre appellation, il faut Grenadine. Puisque monsieur a joué pour Dimanche Grenadine à Saint-Dié, cher à Jean-Michel Rey, il a joué, on le disait tout à l'heure, à Zinc Grenadine. Mais non, tu as joué par exemple le week-end dernier pour Afrisson au Troquet. Donc non, il n'y a pas besoin de s'appeler Grenadine. Mais t'aimes bien la Grenadine. Visiblement, ça me porte chance. Moi, j'aime beaucoup le sirop de Grenadine. Non mais, blague à part. Oui, moi, j'aime bien l'ambiance des festivals. Le Zinc Grenadine, je trouve ça génial. C'est un festival de littérature, d'abord. De littérature enfantine. De jeunesse. C'est pas un festival de musique. Mais alors, ce festival-là est génial. C'est gratuit, c'est à Épinal, c'est ouvert à tout le monde. C'est très complet. Voilà. Moi, c'est eux qui m'ont. D'ailleurs, c'est là que j'ai fait mes premières représentations. C'est eux qui m'ont donné l'occasion de le faire l'année dernière. Voilà, parce que j'ai commencé en avril l'année dernière. puisqu'on le rappelle, hein, on l'a pas dit de manière très frontale, mais quand même, tu as glissé quelques éléments, quelques allusions. Autant la musique pour toi est importante depuis la jeunesse, comme beaucoup. En tout cas, tu as joué très jeune de la batterie, de la guitare. Mais la musique, en tant que chanteur pour enfants, ça a un an et demi. Hein, c'était l'année dernière. Donc, c'est une aventure qui débute, mais déjà beaucoup d'expérience, que ça soit en festival, comme tu viens de le dire, ou alors dans les écoles. En tout cas, c'est pour les enfants. Mais je le rappelle, hein, comme beaucoup de chansons qui sont dirigées vers les enfants, des chansons intelligentes, tu nommais tout à l'heure Aldebert, Debout sur même Debout sur le Zinc, si, hein, ont tu fait l'avais aussi. Pas noté, mais ils l'ont fait, ils ont fait que ça soit Les Têtes Raides ou Les Orgres de Barbac, et Philippe Roussel aussi, qui t'a un petit peu tendu la main, puisque je parlais de festival, il t'a fait jouer au sien l'hiver dernier, l'avoir en chanson. Je suis rentré dans la petite famille des chansons pour enfants, j'ai rencontré tous ces gens-là, donc Jean-Michel Rey, Philippe Roussel ou la compagnie Poil à gratter avec qui j'ai partagé aussi. J'ai été très bien accueilli et aidé. Ah ouais. Clairement. Et je les remercie parce que j'aimerais bien des fois leur rendre un petit peu ce qu'ils m'ont donné. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas eu l'occasion de le faire. J'espère que plus tard, j'aurai l'occasion de le faire ou moi-même d'organiser un festival et les inviter pour les remercier. Ça, j'aimerais beaucoup. Vous avez envie d'en savoir plus sur Bouclette? Oui. Ben, vous pouvez continuer à écouter cette émission et vous pouvez échanger avec lui par sa page Facebook. Il répond dans l'heure. Bouclette, oh oh. Exactement. Jean-Claude de Condy, est-ce que dans ta famille, il y avait des musiciens? Non. Donc si, contrairement à Bouclette, on regarde ton arbre généalogique, transition, on ne retrouvera pas de musiciens. Toi, Bouclette, ça a donné le nom d'une chanson, l'arbre généalogique. Génial, logique. Logique, voilà. Oui. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai dit logique, ça m'a rien dit. Non, génial, logique. voilà, c'est la chanson qui raconte, souvent. Mais nous dis pas ce qu'elle raconte. Ah d'accord. Non, moi je continue. Non, mais je continue à être antipathique. Je vais la passer tout de suite et tu racontes ensuite. C'est toi qui décides. Parce que je me dis que ça peut être sympathique, comme les cordes, des instruments qu'adore Jean-Claude, que les gens se fassent leur propre idée. Après, tu nous donneras les éléments, comme ça, ils pourront se rendre compte si ça approche de leur perception. Ok. Qu'en dites-vous? Ça marche. C'est parti. Dans ma famille, je m'y retrouve pas. Et plus je grandis, pire c'est. Une fois tous réunis autour d'un bon et grand repas, je me demande toujours celui-là qui c'est. Pour reconnaître tous ces visages, je cherche un moyen simple et pratique. Du premier au troisième âge, je construis un arbre génial, logique. Génial, logique. On me montre du doigt, on me demande comment ça va, on me regarde de haut en bas, on dit que je ressemble à mon papa. Et quand j'ai le malheur de demander à ma maman très discrètement, et ce vieux monsieur, qui sait, pourrais-tu m'expliquer? Mais il est pas vieux, c'est Jean-Jacques, c'est le fils de l'oncle bébert de ton papa. En fait, c'est son cousin, comme toi et Jean, sauf que Jean n'a pas la même maman que Myriam, sa sœur, ta cousine. Jean-Jacques est facteur et il a rencontré Suzanne qui s'était trompée de nom sur l'enveloppe. Elle avait mis Suzanne Dupont à la place de Suzanne Dumont. Dans ma famille, je m'y retrouve pas. Plus je grandis, pire c'est. Une fois tous réunis autour d'un bon et grand repas, je me demande toujours celui-là qui c'est. Pour reconnaître tous ces visages, je cherche un moyen simple et pratique. Du premier au troisième âge, je construis un arbre génial, logique. Génial, logique. On m'appelle ici et là, on me dit approche-toi mon gars, la capitale du Kenya, t'auras ton baccalauréat. Et quand j'ai le malheur de demander à ma maman très discrètement, et la dame déguisée là, qui sait, pourrais-tu m'expliquer? Gisèle! Le petit me demande qui est la dame déguisée. Gisèle a été ta nounou quand tu étais bébé quand Claude. Son mari est mort en mobylette, elle s'est tordue la cheville en allant chercher Philippe qui était médecin. Et donc, Philippe est devenu le mari de Gisèle. Et comme Philippe est un ami de ton père, elle est la marraine de Caroline, ta sœur. C'est pas vraiment des liens du sang, mais on l'a toujours considérée comme faisant partie de la famille. C'est pour ça qu'on l'appelle tata Gigi. dans ma famille, je m'y retrouve pas. Et plus je grandis, pire c'est. Une fois tous réunis autour d'un bon et grand repas, je me demande toujours celui-là qui c'est. Pour reconnaître tous ces visages, je cherche un moyen simple et pratique. Du premier au troisième âge, je construis un arbre génial, logique. Génial, logique. Mon Dieu, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il a grandi? Mais mon Dieu, c'est pas possible. C'est le portrait craché du papy. Et quand j'ai le malheur de demander à ma maman, très discrètement, et les deux petits monstres là, qui sait, pourrais-tu m'expliquer? Alors là, tu vois, j'avoue, j'ai un doute. Je dirais que ce sont les enfants du père de celui qui est au lycée avec ta sœur. Tu sais, celui qui ressemble à Nikos Aliagas. Mais je sais plus son prénom, ça doit être Adam ou Charles. C'est le voisin de Marcel, celui qui livre le pain, qui est liaison avec Mireille. Mais la pauvre, elle a jamais pu avoir d'enfant et l'adoption, ce n'était vraiment pas envisageable par Thierry. Franck, voilà, oui, c'est Franck. Et les enfants de Franck ont fait le tour du monde entier depuis qu'il est photographe professionnel. C'est d'ailleurs lui qui a pris toutes les photos de tous les mariages et tous les baptêmes de toute la famille. Et quand tu vois, la famille compte. Toin, toin, bouclette, avec ce titre, l'arbre génial, logique. Maintenant, tu peux nous en parler si tu veux, peut-être que les gens se sont fait une idée. Alors voilà, je suis parti du principe que les enfants sont parfois complètement perdus dans leur famille, surtout au repas du baptême, du dimanche, voilà, où ils connaissent plus forcément le tonton qui est avec la sœur de la tata parce qu'elle s'est séparée du mari. C'est plus la même que la dernière fois. Voilà, donc oui, je partais du principe que, et moi je le vois dans mon métier, que les enfants sont des fois en manque de repères, et ça me faisait rire de parler des repères familiaux qui sont, à mon avis, des fois encore très flou chez les enfants. Et puis qui fluctue, comme je le disais, hein, je veux dire, ça change. Exactement, voilà. Et plus je grandis, pire c'est. Voilà, c'est ce que je dis dans la chanson. Tu parles de ton métier. Alors, oui. Tu es chanteur, tu te produis en concert dans les écoles, tu es payé pour ça, mais tu ne fais pas que ça. Non, voilà. Au départ, je suis éducateur de formation, donc je travaille dans un IME. Je sais pas si vous savez ce que c'est, oui. Un institut médico-éducatif. Et d'ailleurs, voilà. Radio Gemozo a une émission avec l'IME de Saint-Amé. Ouais. C'est les gamins de l'IME. D'accord. Viennent ici. Voilà. J'ai joué à l'école de Saint-Amé où il y avait les jeunes justement de la classe. Oui. Donc moi, je suis dans ce monde-là, dans le monde médico-social. Depuis une dizaine d'années, donc j'interviens en tant qu'éducateur. Pour les enfants. Voilà, moi je travaille avec des enfants. J'ai travaillé avec des petits, là maintenant je travaille avec des adolescentes. Donc c'est pas tout à fait pareil, mais bon, voilà, le travail est sensiblement le même, quoi. Donc j'ai aussi adapté, je parle du handicap dans mon spectacle. Voilà, c'est important pour moi de le faire, d'expliquer un petit peu ce que c'était une personne en situation de handicap et qu'il valait mieux en rire que de pas s'en occuper. Voilà, en gros, c'était ça le message. Il y a une logique hein, dans ton parcours, on le ressent cet après-midi quand tu nous parles. En tout cas, je le ressens. Là, c'est un mot qui est cher à Jean-Claude, qui nous est cher aussi ici à Radio Gemozo et ceux qui écoutaient cette radio, hein, l'ouverture, la différence, être ensemble. Mm-hmm. Toi, c'est complémentaire, hein, que ça soit ton poste. Donc, tu es éducateur, oui. Spécialisé. Oui. Avec chanteur, les deux vont de pair pour toi. Disons que les deux se sont croisés et puis ne se décroisent plus, voilà, on va dire. Mais avec les gamins, ça fonctionne, c'est vachement important pour leur épanouissement. Ça fonctionne. Alors moi, j'ai un problème avec la musique et les enfants, mais pas dans ce que je fais. Je trouve que c'est... Bon, allez, je le dis, je trouve que c'est dommage parfois de la qualité de ce qu'on leur met dans les oreilles. Voilà, je trouve ça dommage qu'on ne propose que un type de chanson, qu'un matraquage de chansons dans les oreilles des enfants, alors qu'il y a plein de choses qui existent. Même si c'est pas forcément de la qualité, mais ça existe. Donc je trouve ça dommage, moi, qu'on focalise sur qu'on 10 focalise sur voilà, c'est qui ça qui passent en boucle. C'est voilà. Pour ça que et qu'on oublie radios... et qu'on ouais. oublie parce que ces gens-là, ces chansons-là, les enfants les vivent, les comprennent pas toujours, à mon avis, parce que des fois ils sont trop jeunes pour comprendre aussi ce qui se passe. Pour moi, c'est pas toujours des chansons pour enfants qu'on leur met dans les oreilles. C'est des chansons pour ados. Et je trouve ça dommage parce que je pense que les petits, je sais pas tout à fait dans l'éducation nationale comment la musique est travaillée, mais j'ai sensiblement l'impression que il y a quelque chose de à faire Voilà, quelque chose à faire. Et les radios locales sont là pour ça, justement, faire connaître les autres artistes, ceux qu'on n'entend pas dans les grands médias, parce que, comme tu viens de le dire, on a choisi qu'il n'y en avait que 5 qui allaient passer. C'est du matraquage, de la propagande, finalement. Ouais. Alors qu'il se fait plein de choses localement, c'est foisonnant, c'est toujours assez incroyable. On s'en rend compte ici chaque jour avec tous les invités qui viennent de ce qui se fait, ce qui mérite d'être mis en lumière, en tout cas d'être... connu, mis à disposition des gens. Après, c'est à vous de voir si vous aimez ou non. Voilà. Mais au moins qu'il y ait connaissance. Et ça développerait chez les enfants justement cette façon de savoir faire des choix aussi. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Maintenant, rares sont les enfants qui nous disent moi, j'aime quelque chose qui est improbable. Tout le monde, moi, je le vis, mais tous les enfants aiment la même chose. Et ils aiment tous le même artiste parce qu'ils l'entendent. On leur met dans les oreilles sans arrêt. C'est rare, les enfants qui aiment aller au musée ou faire de la peinture. C'est vrai. Je trouve que tous les enfants aiment la même chose. Et je pense que c'est de notre faute. Ouais, enfin, c'est la faute des adultes, de la société. Bouclette, il y a un univers visuel aussi, qui est, je réemploie ce mot, complémentaire de ce que tu fais en chanson. On peut le voir sur la page Facebook Bouclette OO. Il y a des illustrations. Il n'y a pas besoin. Si on t'a vu une fois ou on t'a vu en photo, on comprend que ces illustrations, c'est toi. Oui. Alors je peux dire d'où elles viennent. Oui. C'est pas toi qui as dessiné. Non. Voilà. Alors justement, c'est je vante un petit peu le fait que jusqu'ici j'ai tout fait un petit peu à peu près tout seul. Hein. L'album que j'ai fait, je l'ai fait dans ma chambre. C'est le clip. Côté punk. Ouais, voilà, le clip, je l'ai fait moi-même avec mon téléphone. Chaque chanson, que ce soit musique, paroles, c'est mes mots, c'est mes musiques. Il y a qu'une chose que j'ai pas réussi à faire et qu'il fallait que je fasse, c'était les visuels, justement. Donc j'avais essayé, j'ai fait un dessin, c'était ridicule. Donc j'ai passé un message sur mon moyen de diffusion, donc Facebook, et j'ai une dame, une jeune dame qui m'a... une artiste qui m'a contacté et qui m'a fait donc que j'ai jamais rencontré mais qui m'a demandé de développer un petit peu mon profil, mon univers, et qui m'a fait ces dessins là qui s'appelle Katik, donc qui est pas du département des Vosges, qui est un petit peu plus loin, mais qui mérite aussi qu'on parle d'elle, puisque ce qu'elle fait, c'est vraiment superbe. Et dans ton univers, il y a un élément qu'on n'a pas encore évoqué. Jean-Claude, tiens-toi bien, une des spécialités de l'ami Bouclette, c'est la musique de table. Puisqu'on parle de musique électro, mais tu aimes aussi jouer des couverts, autres assiettes et cruches. Voilà, comme je suis batteur au départ, j'avais l'idée d'une chanson, donc de leur apprendre à mettre la table de manière un petit peu inadéquate pour que les parents ne leur demandent plus. Voilà, parce que moi je raconte, si vous voulez, dans mon spectacle que quand j'étais petit, mes parents me demandaient toujours de mettre la table, que ça me fatiguait, donc je leur demande s'ils veulent que je leur donne quelque chose gratuitement pour plus que leurs parents demandent. Donc en général, les parents sont pas très coopérants, ils veulent pas que je montre ça aux enfants, et donc j'utilise donc des couverts, assiettes, cruches, tout le matériel qu'on trouve sur une table pour mettre la table bruyamment mais rythmiquement. Et là, tu peux pas le jouer. Non, là, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas pris. Il y a juste une cruche d'eau, là, mais bon, light. Non, j'ai pas pris. Non. Ça, c'est très visuel aussi. Oui, faut le voir en spectacle. Voilà. Et je vais vous donner une date. Il y aura l'occasion de voir Bouclette. Et c'est vrai que ce côté couvert et couvert qui font du rythme, on peut le voir sur ce visuel dessiné par Katik. Et l'ami, tu lui avais sans doute dit que c'était un élément qui comptait. Donc on te voit avec ta petite guitare, mais aussi tes ustensiles, en train de faire la vaisselle. En train de mettre la table. Bouclette, vous pourrez le voir samedi, ça sera dans un mois, 4 semaines en tout cas, puisque nous sommes le samedi 26 mai. Le samedi 23 juin, tu seras du côté de Plombières-les-Bains à 16h C'est au Clos des Deux Augustins. D'ailleurs, on a déjà reçu pas mal d'artistes qui y sont, notamment Lucas qui est vitrailliste là-bas. Salon Eugénie, le Clos des Deux Augustins à Plombières-les-Bains, ça se situe 6 rue Griot, c'est juste en dessous du jardin en terrasse. Donc tu seras là dans le cadre de la fête de la musique, hein, le samedi 23 juin à 16h. Voilà, c'est ça. C'est Madame Arnoux, donc de la médiathèque de Remiremont, qui m'a contacté gentiment et qui organise donc avec la communauté de communes quelque chose, mais qui n'est pas forcément sur Remiremont. Cette année, ça se passe à Plombières et c'est moi qui suis. Voilà, qui propose un spectacle gratuit ouvert aux familles, aux enfants, à tout le monde. Entrée libre, voilà. Gratuite, à 16h, l'heure du 4h. Exactement. Tu prévois. Parce que, ok, ce côté mettre la table, mais est-ce qu'il y a quelque chose à grailler ? Ah, ça, je sais pas, c'est pas moi qui prévois. En général, moi, j'ai très faim après, donc je me gêne pas, oui, pour manger. Il y a de la tendresse aussi hein, dans ton spectacle. Ouais. Il y a une chanson, par exemple, que je trouve très jolie et qui se passe en deux temps, deux humeurs différentes. Mmh. On va l'écouter. Est-ce que tu me vois venir ? Oui, c'est la chanson sur les mamans. Il suffit de demander. Maman, c'est comme une barbe à papa au manège, on ne peut pas s'en passer. Une maman, c'est comme un doudou, elle nous protège, la nuit et la journée. Une maman, c'est comme une bonne note, on en est fier quand on la ramène. Une maman, c'est comme la soupe de légumes, elle réchauffe le cœur quand on a de la peine. Et quand on me demande ce que je veux faire plus tard, je réponds tout simplement, comme papa, être avec maman. Comme papa, être avec maman. Une maman c'est comme une fleur, elle sent bon, et elle est belle. Une maman c'est comme le soleil, on aime la voir après la grêle. Une maman c'est comme des bisous, on n'en a jamais assez. Une maman c'est comme la mayonnaise, elle accompagne tous nos plats préférés. Et quand on me demande ce que je veux faire plus tard, je réponds tout simplement, comme papa, être avec maman. Comme papa, être avec maman. Mais une maman, elle devient très vite hystérique si elle se débat toute seule contre un ou deux moustiques. Ou pire encore, si elle tombe nez à nez avec un cafard, une souris ou une araignée. Une maman, elle devient folle. Une maman, elle devient barge. Une maman, elle peut ne plus rien supporter du tout. Elle supporte plus côté la chaud, elle supporte plus côté la froid, elle supporte plus côté la faim, elle supporte plus côté la soif, elle supporte plus son mari qui rentre avec ses chaussures, elle supporte même plus parfois ses enfants qui laissent traîner des chaussettes par terre. Mais une maman c'est comme du coton, elle est douce quand on a un bobo. Une maman c'est comme un ballon de foot, on court tous après et c'est ça qui est beau. Une maman c'est comme le président de la République, c'est elle qui décide à la maison. Une maman c'est comme un steak haché, plus c'est tendre et plus c'est bon. Ça se dit pas bouclette. Et quand on me demande ce que je veux faire plus tard, je réponds tout simplement, comme papa, être avec maman. Comme papa, être avec maman. Comme papa, être avec maman. Comme papa, être avec maman. Bouclette, interprète, une maman, c'est comme. C'est issu, alors, d'un CD. Est-ce qu'il existe ce CD-là? Oui, il existe. Il existe. Je l'ai pas vu. Non, tu veux le voir? Concrètement, ouais. Ouais, attends, bah je te montre. Parce que je passe les morceaux, mais je les ai en fichier numérique. Et c'est vrai que sur la page Facebook, Bouclette OO, alors on voit, c'est le visuel de Katik, hein, qui est mis sur Facebook. Donc c'est, voilà, la pochette. C'est un 8 titres, 9 titres. Voilà, c'est 9, c'est mon chiffre par bonheur. Et il y a une chanson cachée. Ah, bah, je l'ai dit. Parce que dans le rock, quand on écoutait du rock à l'époque, hein, il cachait toujours une chanson à la fin. Et donc, la chanson cachée, c'est la chanson découverte. parce qu'il y a quand même un petit texte de la chanson Découvert, mais que je peux pas mettre sur un album, puisque la partie principale, c'est quand même le visuel avec le jeu Découvert. Donc j'ai choisi de pas la mettre dans l'album, mais il y a un petit clin d'œil dessus pour elle à la fin. Voilà. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur le morceau Une maman c'est comme, qui est sur cet album 9 titres ? Voilà, Une maman c'est comme, c'est une chanson dont on me parle souvent, c'est une chanson un petit peu préférée des enfants et des mamans. Voilà, parce que ils y voient, voilà, comme tu disais, un peu de douceur, un peu de vérité aussi. Et puis voilà, les mamans d'aujourd'hui sont peut-être plus les mamans d'avant. Je pense que les mamans ont changé, les mamans travaillent, les mamans sont énervées, les mamans sont très actives et ont une vraie place dans la famille. Donc je voilà, c'était un hommage aux mamans. Et cette deuxième facette de maman que tu viens de citer, elle est sympa quand on la trouve un peu plus loin dans la chanson. Oui. Cette deuxième humeur, comme je le disais. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une maman, c'est douce. Une maman, c'est câlin. Une maman, c'est ceci. Mais une maman, c'est aussi très pénible. Et cette rupture est encore une fois, je dirais, j'ai l'impression, dans tes morceaux, illustrée avec la musique électronique. Voilà, c'est ça. Je voulais un boom tchak. Donc ça fait boom et... Voilà, j'aime ça, ça met du rythme. J'ai été longtemps à ne pas aimer l'électro. L'électro, quand elle est arrivée, j'avais un peu de mal avec les ordinateurs. Aujourd'hui, je trouve que c'est partie de nos ondes. C'est dans nos ondes, c'est dans nos oreilles, c'est dans nos... Voilà, donc je l'utilise. J'utilise, j'aime bien. Ça m'arrange, ouais. Mika, je t'explique. Oui. Ça m'arrange parce que comme je joue tout seul... Et que je peux pas avoir des musiciens derrière moi, que j'ai choisi de pas avoir de musiciens derrière moi. Le fait de travailler sur ordinateur, quand je joue en concert avec mes pédales, parce qu'en fait j'envoie toutes les séquences là par pédale, je gère mes lumières sur un pédalier, donc voilà. Autant le son, je pense que oui. Vous connaissez, vous qui nous écoutez, on en a déjà parlé ici, on a déjà reçu des musiciens qui avaient des samples, des pédales de samples qui nous faisaient des démonstrations. Ouais. Ils enregistraient un son et puis ils l'additionnaient fur et à mesure. Donc pour les lumières, c'est aussi le cas. Voilà, j'ai un jeu de lumière tout basique, hein, j'ai 4 spots qui sont reliés à un pédalier. Et donc j'ai toujours pas de technicien lumière avec moi, j'appuie. Pour la concentration, il faut être très dur. C'est très dur. C'est très dur. Non, ça a été beaucoup d'entraînement. Je l'ai préparé longtemps, ce spectacle. Et j'avais la trouille. J'ai toujours la trouille, d'ailleurs. Mais pour en revenir à ça, donc, la pédale, voilà, ça fait comme si j'avais 3 musiciens derrière moi, quoi. Sauf que là, je les paye pas. Et toi, Jean-Claude Condy, avec la Nickel Arpa, il n'y a pas de pédale, il n'y a pas d'électricité. Sur cela, mais j'ai fait des instruments électriques, bien sûr. Ah, solides body, des Nickel Arpa purement électriques. Et tu peux utiliser des pédales aussi Ben, tout à fait. Ben, les musiciens, même les instruments acoustiques, de toute manière, dès qu'ils sont sur scène, l'acoustique ne suffit plus. Donc, forcément, c'est capté et c'est amplifié. Et après, les gens, ils font un peu ce qu'ils veulent. Si, il y a des musiciens qui travaillent sur des boucles, qui font des voix. Si, on a quand même des gens qui créent un peu en utilisant des outils de ce type-là. Peut-être à tort, moi je m'imagine le luthier comme n'aimant que le bois, que ce côté acoustique est disant non à l'électricité. Non, moi ça me plaît bien. De toute manière, c'est plus généralement, si on met la culture dans une boîte, elle explose, quoi. Donc de toute manière, ça sert à rien de coincer, de bloquer quelque chose. C'est le propre de la musique, c'est le propre d'un artiste, c'est le propre de la culture, d'inventer, de réinventer, de machin. Si on met des murailles et de fer, et non, ça le fait pas. On ne saura jamais. L'évolution est naturelle selon l'époque dans laquelle on vit. Mais bien sûr, on pourra jamais la culture. On pourrait. Par exemple, c'est plus fréquent dans les musiques traditionnelles parce que ça fait appel au passé, mais effectivement, il y a des gens qui ne font que de la musique de je sais pas quoi, de 1750 à 1760. Pourquoi pas? Mais bon, c'est, pour moi, c'est déjà plus, mais je trouve ça bien, dans le fond. Et c'est une chance qu'on a encore aujourd'hui, c'est de pouvoir le mémoriser. Ce qui n'était pas possible avant. Avant, on ne pouvait que l'écrire. Et déjà, écrire, il manque une partie de l'interprétation, hein. C'est juste une partie de, c'est déjà extraordinaire d'avoir une partition qui date d'une époque. On a évoqué tout à l'heure les lyres. On parlait des lyres. J'ai travaillé en 92. Là, j'ai travaillé avec une femme, Annie Bellis, qui est chercheur au CNRS, qui est spécialisée dans la musique grecque antique. Et on a fabriqué ensemble des instruments de cette époque. De l'Antiquité. Donc elle, c'était le coach quand même qui a amené tous les éléments. On a déterminé un cahier des charges. J'ai fait des lyres, des sitars, une flûte traversière, des percussions. Et il y a quelques partitions qui, c'est juste incroyable d'avoir gravé sur une pierre ou sur un papyrus une partie, parce que les textes et les partitions complètes sont quand même rares. Mais donc est né de ce travail plusieurs enregistrements et un ensemble qui s'appelle Kyrillos, qui tourne toujours aujourd'hui. Et on a quand même des petites idées. Naturellement, elles sont forcément interprétées à la sauce et encore avec une modération. Je pense qu'il y a un frein aussi, parce que l'idée c'est de d'être le plus, c'est compliqué à expliquer, enfin pas expliquer mais à sentir, le plus scientifique possible, même si voilà, ça c'est une démarche de scientifique de reconstitution. Voilà, après ça donnera peut-être, ça va peut-être exciter la création chez des gens, mais on peut écouter quelques pièces de cette époque là Où? Ben, si vous cherchez Kyrillos, K-E-R-Y-L-O-S. Voilà. L'ensemble Kyrillos. D'ailleurs, je pense qu'il y a un lien à partir de mon site. Sur son site, hein, le site, ouais, de Jean-Claude Condy. Vous verrez, il est très fourni. Ouais. On passe des heures dessus quand on y est, mais on apprend beaucoup de choses. Et le temps qu'on est dans l'apprentissage, vous jouez au Scrabble, les mots croisés. Je vais tout de suite vous faire la distinction entre le sitar dont on a parlé tout à l'heure, Jean-Claude, le sitar indien, et la sitar, qui est quoi, d'origine autrichienne? La sitar, oui, celle dont on parle, c'est autrichien, mais en fait, la sitar, c'est une famille. C'est la famille, notamment l'épinette en fait partie, et beaucoup d'autres. Voilà. Et on s'aperçoit, quand on regarde les instruments de près, toi qui es luthier, tout à l'heure tu le disais, l'origine aussi luth, beaucoup, la famille, là aussi c'est une famille, en tout cas, le luth a donné naissance à beaucoup d'instruments à travers des variantes. Carrément. Les sitars, c'est des instruments à cordes pincées, sans manches. C'est ce qui classe. Bon, après, c'est des instruments de musique, mais bon, il faut les mettre pour organiser tout ça, pour classer tout ça. Effectivement, les luths, c'est tous les instruments à cordes pincées avec des manches. Et voilà, je le dis, le sitar indien, c'est masculin, S-I-T-A-R, la sitar autrichienne, enfin la famille qui a donné naissance, notamment, en tout cas l'épinette en fait partie, ça s'écrit C-I-T-H-A-R-E, c'est la, féminin. Oui. On ne fera plus maintenant l'amalgame entre les deux, ça y est. Non. Ça pourrait être une chanson, sa bouclette, les différences. L'amalgame, ah oui. Oui, et puis les comment qu'on appelle ça, les mots qui ont le même son, homo... Il y a homonyme pour les mots qui... Et pour, ça porte un nom aussi, pour peu importe, mais en tout cas ceux qui portent le même son, il y a homo, etc., mais je ne sais plus. Mais en tout cas, homophone, mais oui. Ah bah homophone, alors. Mais c'est ça. Allons-y, ça le ferait. Troisième sitar que tu as emmené, Jean-Claude. Ah, je pense que celle-là. Mais elles se ressemblent toutes à chaque fois pour moi. Elles se ressemblent toutes, celle-ci c'est la même que l'autre, que la première, hein. Sauf que là, c'est assez récent. Donc c'est une nickel harpa ténor. Donc là, on descend dans les graves. Ça, ça a une dizaine d'années. Ça n'existait pas avant. La Pavarotti du Nickel Arpa. Voilà. Et il existe en basse, donc comme le violoncelle. Là, le ténor, il existait dans les instruments du quatuor. Hein, cet instrument, c'est un espèce de gros violon qui se situe entre le violoncelle et le violon alto. Et c'est un peu disparu. On le voit par contre renaître un peu dans les musiques traditionnelles, en particulier suédoises. Il y a des gens qui se sont mis à en refaire. Alors du coup, ça c'est grave. Et là, je vais peut-être vous jouer, enfin je vais essayer, de jouer une mélodie donc suédoise qui s'appelle Emigrane Vista. Et c'est en fait une chanson qui... C'est un symbole, c'est en hommage à tous ces gens qui sont partis de la Suède il y a à peu près 200 ans parce qu'ils ont ils mouraient de faim et c'est tout juste que faire de l'agriculture en Suède c'est pas facile, mais en Suède il y a eu quelques années de suite où le cycle n'a pas conclu, donc il n'y a pas eu de récolte, donc c'était la famine. Et je crois, j'ai lu un petit article là-dessus, c'est certainement lié aussi à la fumée d'un volcan islandais qui a assombri le ciel pendant là où il faudrait pas, au moment où il y avait en été probablement, qui est très court finalement, hein, entre le sud de la Suède et le nord de la Suède. La Suède, c'est quand même un pays qui est tout en longueur, hein, qui est je crois un peu plus grand que la France en surface, mais là, aujourd'hui, il y a 10 millions d'habitants, mais c'est sûr que le climat au cerf polaire, c'est pas le même que celui du sud de la Suède. Donc voilà, il y a des gens qui ont souffert et qui ont fui et qui sont allés donc aux États-Unis. Alors c'est une mélodie qui me plaît, c'est pas joyeux, hein, mais je la dédie à tous ceux qui aujourd'hui se migrent pour des tas de raisons, parce que c'est la guerre, parce que ils sont juste malheureux dans leur pays, ou simplement parce qu'ils ont envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe, et pour qui c'est pas facile. Thème d'actualité qui sera toujours certainement, oui, malheureusement d'actualité. Oui, voilà. Il faut se souvenir que ça a existé, et puis peut-être que ce sera nous demain pour une autre raison. Hein. Jean-Claude Condy, merci, avec cet instrument suédois, la Nickel Arpa, et c'est un morceau de cette origine qui s'appelle Emigrane. Et c'est fou de se dire qu'on peut dire autant de choses avec un instrument seulement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots, c'est la musique qui parle et qui dit énormément de choses dans les émotions, dans les ambiances qu'elle fait passer. C'est vrai que, enfin bon, après, je sais pas, là, moi personnellement, après, j'éprouve énormément de sentiments en écoutant de la musique, mais je suis un peu un contemplatif aussi. Tu regardes la nature, c'est certains paysages, moi ça me bouleverse. Une peinture, ça me bouleverse et il n'y a pas de mots. Enfin, j'ai du mal à expliquer ces sentiments-là. Et la musique, elle est effectivement, elle va aller exciter, je sais pas quoi, des choses de l'esprit qui, je sais pas, qui nous fait peut-être avancer aussi dans notre vie, dans notre façon de. Voilà, on sort de des choses matérielles. Heureusement qu'il y a ça, je dirais. En tout cas, moi, c'est... voilà. Bouclette, le message était engagé, celui que vient de passer Jean-Claude à travers ce morceau instrumental. Ouais. Est-ce que quand on fait de la chanson pour enfants, tu as dit l'importance des textes pour toi, notamment dans le côté pédagogique, apprentissage, mmh. Est-ce que on peut aussi être engagé pour les enfants, faire passer certains messages? Oui, je pense, évidemment. Je pense que les enfants d'aujourd'hui sont pas sont loin d'être idiots. Je pense qu'ils comprennent beaucoup de choses. Je pense qu'on leur cache, hélas, beaucoup de choses aussi sur la réalité de ce qui se passe dans le monde. Donc oui, on peut très bien s'engager illustrer, même à travers une chanson ou juste une musique. Hein, on peut très bien illustrer aussi. Je pense qu'ils sont capables d'être... c'est accessible pour eux, je pense. Est-ce que mais tu petits, l'as fait, hein. Toi ? Est-ce que tu l'as fait dans tes chansons ? Un petit peu. Alors, c'est pas mon... C'est pas mon domaine de prédilection, mais oui, quand je parle du handicap, j'ai envie d'en parler comme quelque chose qui fait partie de notre monde et qu'il faut accepter. Moi, petit, je me moquais des enfants handicapés, comme beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, le handicap, il est, on le voit partout. Ça devrait plus être une différence à ce point. Ça devrait plus être aussi difficile de se déplacer. Ça devrait plus être aussi difficile de s'occuper des personnes aussi dans une maison de retraite, hein, tout simplement. Quelle que soit la situation de handicap. Mais je pense que oui, les enfants, ils sont capables de comprendre tout ça. Voilà. T'as une chanson sur le handicap? Oui. Qui s'appelle? Qui s'appelle Il est bègue. Eh bien. Monsieur, je l'ai fait en. Oui, puisque. Ouais. On ne vous l'a pas dit, hein, jusqu'à présent, on entend des chansons de Bouclette qui sont issues du CD, qui s'appelle oui. Bouclette d'ailleurs, il n'y a pas de nom. Oui, c'est éponyme. Ouais, éponyme, fallait c'est placer homophone. Celui-là. Ouais. Non, c'est éponyme, oui. Non, j'ai pas de nom d'album, ça aurait pu être On n'est pas des robots, parce que ça a été la chanson phare à un moment donné. Finalement, elle représente pas non plus mon univers complètement, donc non, c'est Bouclette, voilà. D'ailleurs, je sais pas s'il y aura d'autres albums après. Je sais pas où je serai, ce que je ferai, donc. Tu nous joues Il est bègue, alors là, oui. C'est juste à la guitare sèche, il n'y a pas de sample. Alors, c'est pas une sitar ni un sitar, c'est une guitare. Avec un G. Elle est toute petite. Oui, ouais, c'est ce qu'elles disent toutes. Mais... non, oui. Je sais pas si on l'entend. Ok. Donc, la chanson s'appelle Il est bègue, tout simplement parce que je voulais parler donc du handicap. Et donc, je dis aux enfants, je mime quelques handicaps, tout ça, et puis donc je leur explique que il existe un handicap, donc qui est le bégaiement, qu'on n'entend pas énormément. Hein. On parle beaucoup du fauteuil roulant, mais on parle pas beaucoup des troubles du langage. Donc, c'était un message, voilà, qui valait mieux en rire que s'en foutre, si on veut être un peu vulgaire. Voilà. J'y vais? Mon meilleur ami est un type génial. Attends, c'est pas un super-héros, mais il a quelque chose de spécial. Je lui dis toujours, t'es pas cap de jouer de ton handicap. C'est ce qu'il me dit, pas de problème. La maîtresse lui a demandé, quelle est ta matière préférée? C'est le caca, c'est le caca, c'est le caca, c'est le calcul. Je ne suis pas sûr que tu le comprennes, ouais. Je ne suis pas sûr que tu le comprennes. Il est pas bête, non. Il est pas bête, mais non. Il est pas bête, il est bègue. L'autre jour dans la cour d'école, on se faisait embêter par des grands, fallait sortir de ce traquenard, hein, vite et poliment. Je lui dis alors, t'es pas capable de jouer de ton handicap, c'est ce qu'il me dit, pas de problème. Les marioles se moquaient de lui, d'un air ravi, il leur a dit, vous êtes des zizi, vous êtes des zizi, vous êtes des zizi, vous êtes des idiots. Je ne suis pas sûr que tu le comprennes, ouais. Je ne suis pas sûr que tu le comprennes. Il est pas bête, mais non. Il est pas bête, mais non. Il est pas bête, il est bègue. Et en plus d'être sympathique, il est beau garçon et un peu filou. Toutes les filles sont folles de lui et ça rend tout le monde jaloux. Je lui dis, dis donc, t'es pas capable de jouer de ton handicap, c'est ce qu'il me dit. Pas de problème. L'une des filles s'est approchée, j'aurais savoir est-ce que je te plais. T'es trop cucu, t'es trop cucu, t'es trop cucu, t'es trop curieuse. Je ne suis pas sûr que tu le comprennes. Je ne suis pas sûr que tu le comprennes. Il est pas bête, non. Il est pas bête, mais non. Il est pas bête, il est bègue. C'est pas facile. Je lui dis toujours, t'es pas capable de jouer de ton handicap, c'est ce qu'il me dit. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Merci. Merci, Bouclette, en direct du studio de Radio Gemozo. Il est bègue. Il est bègue, ouais. Il est pas bête. Il est bègue. Accompagné de sa fidèle guitare acoustique. Tu sais que tu es en présence d'un luthier, Jean-Claude. Mais Courrier. Oui. Non, mais alors, je suis pas. Cette guitare, qu'est-ce que tu veux nous en dire? Est-ce que c'est du sur-mesure fabriqué par un luthier? Non, hélas. C'est une fabrication très industrielle. C'est le format qui me plaisait beaucoup et le prix, hein. Donc, j'ai juste fait poser un micro dessus pour pouvoir me brancher. Mais je rêve d'avoir un instrument sur-mesure. Je rêve. Eh ben, il y a un luthier avec toi. Je crois qu'il fait pas de guitare, Jean-Claude. Non, je fais pas de guitare. Non. Pourquoi, Jean-Claude ? Oh, je déteste la guitare. Non, c'est pas vrai. Non, mais par contre, j'ai fait des guitares, donc les ancêtres, en forme de poire, à cordes pincées. D'accord. Avec des frettes en boyaux, donc on peut régler. Ah ouais. C'est sympa, ce. Il y a beaucoup moins de cordes. Enfin, c'est des cœurs de. Enfin, il y a 8 cordes, quoi, un peu. Okay. C'est la guitare de quelle époque? C'est le Moyen-Âge. C'est l'ancêtre de la guitare. Ouais. Les enfants, peut-être que le prochain spectacle de Bouclette, ça sera Bouclette au Moyen-Âge, grâce à un instrument de Jean-Claude Condy. Mais je pourrais dire un mot, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à la facture instrumentale. Bon, moi, il se trouve que. D'ailleurs, je sais, mais il se trouve que mes instruments, on les fabrique à l'atelier. On est plusieurs. Je suis mécanisé. J'ai fait le choix aussi pour avoir des prix qui restent abordables. J'ai fait, et puis aussi parce que ça m'intéresse d'utiliser des machines un peu paraissaient compliquées autrefois. Ça l'est moins maintenant, comme des fraiseuses à commande numérique. Et bon. Donc après, il faut savoir l'utiliser, mais ça pose quand même un vrai problème. Par exemple, je sais pas, une guitare comme ça vaut peut-être 200-250 €, voilà. Et en France, on est incapable de faire un instrument à ce prix-là. C'est juste pas possible, d'accord. Sauf peut-être en mécanisant à fond, mais j'en suis même pas sûr. Ce n'est possible que parce que c'est fait dans des pays effectivement où la main d'œuvre est moins chère. Alors, là-bas, osons espérer que tout est aussi moins cher, même le kilo de pommes de terre. hein, qui sera et accessible aussi par ces personnes. Mais quand même, dans ce grand village qu'est le monde, si autant de gens font de la musique aujourd'hui, au violon, à la guitare, c'est aussi parce que ces instruments viennent de là-bas. On est alors les collègues luthiers qui ne sont pas contents, bien sûr, quoi, mais en fait, grâce à ces instruments pas chers qui viennent de Chine essentiellement, du Pakistan, on arrive finalement à faire vivre des luthiers qui ne font que des instruments de haut de gamme, d'accord. Et pour pouvoir vendre un instrument de haut de gamme, il faut avoir pratiqué avant sur des instruments entre guillemets de bas de gamme, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, parce que franchement, en plus, moi je vois, il y a des petites guitares pour 200 €, même pas. Des fois, je l'avoue, j'ai acheté une fois, je cite le nom, non peut-être pas, un petit supermarché où les choses sont vraiment pas chères, 50 € avec l'étui, l'accordeur, une partition. Elle sonnait bien. Eh ben, tout en contreplaqué, impeccable. Ouais. Elle est juste. Le manche ne s'est toujours pas déformé. Non, mais je veux dire, ça marche, quoi. Bon, c'est pas un son, d'accord. Mais quand même, quelqu'un qui veut démarrer, en plus, elle est toute petite. Donc, voilà. Et juste par curiosité, je me dis, c'est comme, et j'ai regardé ça dans les détails, je me dis, mais c'est, alors, je sais pas comment c'est fait. En tout cas, c'est fait. Peut-être que c'est fait, peut-être qu'ils bradent, peut-être que c'est, je sais pas quoi, ils ont fait une série, puis là, cela, ils y vendent 10 fois moins cher, j'en sais rien. Le fait est que ça existe et que, voilà, et ça a permis à des gens. Après, je me le demande si c'est vraiment, parce que c'est pareil, l'apprentissage de la musique, des instruments, il y a quand même, c'est pas parce que t'as un instrument pas cher que tu vas te mettre à jouer aussi, hein. Il y a tout un accompagnement, il y a l'enseignement, il y a la culture du moment, hein. Pensez au ukulélé, tout d'un coup, qui s'est mis, ouais. Ça a été une explosion, bon, ça causait peut-être que ça ressemblait déjà à une guitare, c'est petit, c'est encore moins cher, il y a eu un effet quand même commercial incroyable. Hein. Oui. Non, mais voilà, je voulais juste souligner que de toute manière, c'est juste une réalité et qui finalement, finalement nous sert autant la clientèle, enfin les musiciens débutants, autant les luthiers. Parce que s'il n'y avait pas ça, il faudrait comment on ferait pour apprendre? Il faudrait que l'État, les communautés achètent des instruments à des luthiers que ça s'est fait, hein, ça s'est fait une époque, et qui les mettent à la disposition d'élèves. Ça se fait. Par exemple, la région Grand Est, là, a mis en place un projet dans ce sens-là pour obtenir des instruments de qualité, surtout du quatuor, pour mettre à la disposition de gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un instrument de qualité. Voilà. Alors, un instrument de qualité pour un violon, c'est à partir c'est l'équivalent de 3 000-3 500 €. Mmh. Voilà. Ben, ceci dit, un violon chinois à 1 200 €, c'est plutôt pas mal aussi. Hein, ça, mmh. Aussi. Bon, après, tout est relatif, mais c'est une vraie. Moi, mon angoisse, c'est qu'effectivement, un jour, peut-être, que des entreprises chinoises, je ferai comme tout le monde. Du coup, j'achèterai des nickel harpa chinois, et puis je les vendrai, puis je ferai ma petite marge dessus, et puis peut-être que ça, du coup, ça ferait exploser la pratique de l'instrument ici. Pour l'instant, ça n'existe pas. La nickel harpa n'est pas fabriquée en série. Non. Enfin, en série, non, d'une façon, ouais. Mais ça aussi, c'est des mots. À Mirko, on a fait à la grande époque de la lutherie, c'était une démarche industrielle, mais il y avait les trois quarts qui étaient faits à la main. Qu'est-ce que je dis? Presque la totalité. Il y avait juste quelques ébauches, machines. ou le bois qui était débité, voilà. Mmh. Hein, et quand on débitait pas une fourniture, on débitait 300 fournitures, et puis quand on se lançait, ben on préparait plusieurs instruments parce que le geste était répété. Voilà. Après, effectivement, dans la fabrication d'un instrument, dans la fabrication d'un archer, hein, il y a quand même des subtilités qui relèvent de l'empirisme. On y vient, Jean-Claude, les secrets de fabrication, en tout cas, comment se fabrique un archer? Tu disais tout à l'heure, en rigolant, qu'on pourrait presque, avec un cintre et du fil de pêche, bien sûr, en fabriquer un. Ben oui. Autrefois, on utilisait des bois locaux, déjà. Hein, de l'acacia, du sitis, du cornouiller, du cornier, tous des bois qui poussaient localement. Un jour, on a découvert l'Amérique. C'est extraordinaire. Et on a découvert le Brésil et les bois du Brésil. Le Pernambouc? Et le bois de Pernambouc. Et alors, ce bois, on l'a découvert non pas pour faire des archers. Au début, on n'y a pas pensé. Mais on l'a découvert pour sa teinture, pour son pouvoir tinctorial. Et ça a été la plus grosse exportation du Brésil vers l'Europe, jusqu'en 1870 à peu près, où là, le marché s'effondre quand on découvre les teintures chimiques. Et vous allez certainement apprendre quelque chose, c'est que au Brésil, ça s'appelle le pau-brasil, le bois de braise. Parce qu'il a la couleur, là, il est coloré, il est passé à l'acide, mais il est orange, hein, le bois est orange. Donc quand on le rabote, on le met en poussière, on le fait tremper dans l'eau, et on obtient un jus violet, mais violet, flashy quand même. Mmh. Et puis on peut y ajouter de l'alun, de l'acide, de l'ammoniac, enfin on peut bricoler des tas de choses, et on obtient d'autres teintes. On peut aller du jaune au brun rouge. Le pas au Brésil, le bois de braise, a donné le nom au pays. Si le pays s'appelle le Brésil, c'est à cause de le bois. Voilà. Alors aujourd'hui, bien sûr, on a essayé, les archetiers de l'époque, d'ailleurs tout le monde essayait tout ce qui débarquait au Havre, hein, parce que tous ces bois arrivaient là, donc il n'y avait pas que ce bois, il y en avait plein d'autres. Il y a eu la mourette qui venait de Guyane, et puis des tas d'autres bois... Donc les archetiers ont essayé empiriquement différents bois, puis ils se sont dit bon, celui-là il est quand même pas mal quoi. Effectivement, il est pas mal. Il résonne, il est dur, on peut faire des archers, c'est pas trop gros en diamètre et ça c'est une bonne comment on pourra dire une chance en fait que tout ça ce soit bon. Après bien sûr c'est développé aussi toute la pratique et la culture, c'est-à-dire que les gens se sont habitués. Si demain on n'avait plus ce bois, on serait bien obligé d'utiliser autre chose, et peut-être que et certainement qu'on s'adapterait et on développerait d'autres choses, mais tout est dans la subtilité. Voilà, quand on fait une baguette par exemple pour un archer de violon. Un archer de violon, ça fait 60 grammes fini. Bon, un archer lourd, il fait 62 grammes. Un archer léger, il fait 58 grammes. Donc c'est quand même, on est dans le détail. Et quand on fait la baguette, on la fait à la main. Bon, ça peut être mécanisé. Donc si c'est mécanisé, il y en aura peut-être 1 sur 10 qui sera pas mal. Ou acceptable, ou voire même qu'il n'y en aura pas tant que ça qui seront mauvais, parce que après il sera trop souple par exemple ou trop léger, mais on a des moyens, s'il est trop léger on a d'autres moyens de le lester, voilà, il y a de, mais quand même quand on fait un archer on est là face à un bout de bois et au rabot à la main on va raboter la baguette et on va peser, on a une petite balance de bijoutier et on va regarder ce qu'on a enlevé. Bon bah on a retiré 0,2 grammes. Bon bah on gratte un peu, on en enlève là on regarde la baguette, on lui fait des petits tests mécaniques, voir comment l'archer se déforme sous la force des deux mains comme ça, hein, là on la fait bouger et petit à petit on arrive empiriquement, intuitivement, on arrive à optimiser le rendement de l'objet, hein, parce que l'objet il doit produire un son, et si c'est trop mou, ça le fait pas. Si c'est trop dur, ça le fait pas. Tu disais tout à l'heure, il faut qu'il vibre. Oui. L'archer, plus précisément le bois, parce qu'on pourrait penser que oh, c'est pas important, c'est juste pour tenir. Oui. Ce qui compte, c'est le crin pour frotter. Voilà. Mais effectivement, si l'archer vibre, ça va ouvrir l'expression qu'on utilise, c'est ouvrir le son. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, on va avoir un sentiment. On est dans les subtilités de langage, d'appréciation, mais on a l'instrument que le son s'ouvre. La résonance. Voilà. Si on a un archer qui est trop lourd, par exemple, il aura une tendance un peu à étouffer, un peu comme une sourdine. Hein, on fait ça, par exemple, sur le chevalet du violon, du violoncelle, ou même des nickel harpa. On peut mettre une petite pièce de bois, ou de plastique, ou de caoutchouc, d'ailleurs. Tout se fait. Même du plomb, tu vois. Et donc ça, et c'est pas gros. C'est quelques grammes qu'on met dessus. Et donc ça absorbe la vibration. Et du coup, ben le son est beaucoup moins fort et ça permet de jouer dans une pièce sans embêter ses voisins, voilà. Et l'archer, il fait le même effet, voilà. Mais bon, ceci dit, on arrive toujours à faire quelque chose. Et puis le client, le musicien va faire un pas vers, il va faire un pas vers son instrument aussi. Au début, l'instrument, même s'il, enfin, surtout quand ils sont neufs, il faut le jouer pour que tout se mette en place. Je sais pas, il se passe quelque chose. Et puis, la sensibilité du musicien va permettre, à un moment, à un autre, il va y avoir une espèce d'osmose, comme ça, où tout le monde sera d'accord. Comme entre deux personnes, là aussi, c'est une rencontre. Exactement. Là, on est trois. Il y a le musicien, l'archer et l'instrument. Tout comme Bouclette, quand il a rencontré la musique, et plus particulièrement ce qu'il fait actuellement, la chanson pour enfants. Et depuis tout à l'heure, hein, ce que tu nous dis, c'est que tu parles beaucoup de spectacle. Alors, il y a ce CD, Bouclette, CD 9 titres, mais toi, tu fonctionnes, tu résonnes comme un instrument par rapport au spectacle. C'est comme ça que tu construis. Tout à fait, Mika. Ta démarche? Non, oui. Ta démarche va dans ce sens. Voilà. J'ai pas réfléchi ce spectacle pour vendre des disques, quoi. Voilà. Je l'ai réfléchi pour le présenter à des enfants. Voilà. Et c'est la chose qui me faisait le plus peur, hein, l'aspect création, le temps de création, de recherche. C'est fascinant, c'est passionnant, j'y passe beaucoup de temps avec du plaisir, hein, je cherche, j'essaie, ça marche pas, oh mince, ça marche pas, je vais essayer autre chose. Par contre, quand je me suis retrouvé les premières fois devant un petit groupe d'enfants de 20, 30, voire jusqu'à 150, c'est plus le même, c'est autre chose. Il y a deux phases, quoi. La première phase de création, elle est passée. Maintenant, faut. Et c'est la phase pour moi qui a été la plus difficile. Voilà. Après, je me suis surpris à aimer ça. Et puis, je savais que j'allais aimer ça. On m'avait dit, mais tu aimeras ça. Mais... Parce que je sais plus c'est quoi la question du départ. Mais c'était connaître cette démarche qui, d'après mon ressenti, est axée sur le spectacle. Mais voilà. Pourrait-il en être autrement, oui, quand ça concerne les enfants? Tu ne pourrais pas simplement chanter des chansons. Il faut qu'il y ait une interaction. Il faut qu'il y ait ce côté participatif et que les gens, les enfants, soient pris dans quelque chose, dans un univers. Ouais, mais j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus simple, juste un texte et une guitare. J'aurais pu. Tu les aurais perdus au bout de quelques minutes dans les enfants. Oui, oui. Et puis moi, je pouvais pas concevoir de présenter quelque chose comme ça. Voilà. Parce que j'ai été aussi guidé dans mes anciens groupes, notamment dans le groupe dont je vous parlais tout à l'heure de Morail, où on faisait essentiellement des compositions. J'ai rencontré le bassiste Alex qui lui avait une vision du spectacle très très cadré. Et c'est lui qui m'a donné les cartes. Il fallait toujours qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'un spectacle, quand il commence, on respire à la fin du spectacle. On se permet pas entre deux chansons de laisser un blanc. Vous voyez, tout s'accélère, tout se le rythme, tout se suit. Mais oui, tout se suit. Il faut pas laisser un blanc de 10 secondes dans un spectacle. On le ressent. Il faut pas dire merci à la fin de chaque chanson. Il y a des codes comme ça. Enfin, ces codes à lui qui m'a transmis et que je trouve moi qui me vont bien. Voilà. Donc c'est ceux-là que j'utilise. Après, on peut faire autrement. On peut faire juste, des chansons guitare voix. On peut, voilà. Moi, j'avais envie de dynamisme, j'avais envie de surprise. Je pense que les enfants, ils aiment ça. Ils aiment être surpris. Il y a quelque chose, ils s'y attendent pas. Boum, ça vient les heurter un petit peu. Ça vient les, ouais, ça vient les questionner aussi. Et j'aime bien que ce soit vivant, rapide. Voilà. Moi, c'est le rythme là que j'aime bien. Et ça fonctionne. Allez avec vos enfants voir Bouclette à Plombières-les-Bains samedi 23 juin au Salon Génie. C'est au Clos des Deux Augustins, 6 rue Griot, Plombières-les-Bains, juste en dessous des jardins en terrasse. À 16h, le moment du goûter, c'est organisé par la médiathèque de la communauté de communes, de la Porte de Haute-Vosges. Voilà. Et sinon, vous pouvez aussi voir ce que ça donne, et la confirmation de ce que je viens de dire, hein, que ça fonctionne bien entre Bouclette et les enfants, que c'est un spectacle dynamique, énergique, participatif, à travers des vidéos de la chaîne YouTube Bouclette OO ou la page Facebook Bouclette OO. Ça gigote dans des concerts, n'est-ce ça pas? Ça gigote. Est-ce que tu pourrais nous faire gigoter avec ta... guitare. Non, celle-là je peux pas. Mais moi j'ai cru qu'elle se faisait en guitare sèche. Non, celle-là je peux pas parce que je vais t'expliquer pourquoi. Hein. C'est pas que je ne veux pas, mais si tu veux le morceau live, la séquence live que j'ai enregistrée, il y a un jeu dedans. Il y a un jeu qui dure. Donc je joue avec les enfants, je fais des équipes. Enfin voilà, il y a une interaction un peu spéciale avec beaucoup de bruit. Et sans visuel, là, elle n'aurait pas l'effet. Par contre, tu peux mettre l'original qui est sur le CD. C'est la première. Bon, voilà, c'est pas. T'aurais pu nous faire jouer, Jean-Claude et moi. On aurait fait une équipe chacun. On gigote, on écoute tout de suite la version CD. On avance, on clignote, on freine et on gigote, on s'arrête, on recule, on attend le véhicule, on redémarre, on va vite, on klaxonne et on évite, on s'endort, on voyage, on admire le paysage, on avance, on clignote, on freine et on gigote, on s'arrête, on recule, on attend le véhicule, on redémarre, on va vite, on klaxonne et on évite, on s'endort, on voyage, on admire le paysage, mais quel ennui dans cette voiture. Le nez collé sur nos chaussures, se détacher, se rattacher, aller s'il la bat toujours au même endroit, mais quel ennui dans cette voiture. À regarder les autres qui se laissent bercer par des voitures qui roulent pas droit. On avance, on clignote, on gigote. On avance, on clignote, on freine et on gigote, on s'arrête, on recule, on attend le véhicule, on redémarre, on va vite, on klaxonne et on évite, on s'endort, on voyage, on admire le paysage, on avance, on clignote, on freine et on gigote, on s'arrête, on recule, on attend le véhicule, on redémarre, on va vite, on klaxonne et on évite, on s'endort, on voyage, on admire le paysage, mais quel ennui dans cette voiture. À tenter de deviner les couleurs des autos, voilà le jeu pénible et lassant qu'avaient les parents, mais quel ennui dans cette voiture. On se fait doubler de tous les côtés et il y a plus de voitures blanches. On avance, on clignote, on gigote. On avance, on clignote, on freine et on gigote, on s'arrête, on recule, on attend le véhicule, on redémarre, on va vite, on klaxonne et on évite, on s'endort, on voyage, on admire le paysage, on avance, on clignote, on freine et on gigote, on s'arrête, on recule, on attend le véhicule, on redémarre, on va vite, on klaxonne et on évite, on s'endort, on voyage, on admire le paysage, mais quel ennui dans cette voiture. Quand je serai en âge de conduire, je vous le dis tout de suite, moi je serai un pilote, mais quel ennui dans cette voiture. Je me faufilerai entre chacun de vous. Mais pour l'instant, on avance, on clignote, on freine et on gigote, on s'arrête, on recule, on attend le véhicule, on redémarre, on va vite, on klaxonne et on évite, on s'endort, on voyage, on admire le paysage, on avance, on clignote, on freine et on gigote, on s'arrête, on recule, on attend le véhicule, on redémarre, on va vite, on klaxonne et on évite, on s'endort, on voyage, on admire le paysage. On avance, on clignote, on freine, on gigote. On avance, on clignote, on freine, on gigote. On va où ? Quand est-ce qu'on arrive ? Avance, avance ! Allez, on se réveille là, hein ? On est arrivé ! On avance ! On clignote ! On gigote ! On avance, on clignote, on gigote. On avance, on clignote, on gigote. On avance, on clignote, on gigote. Bouclette, on gigote, il est présent dans le studio de Radio Gamozo avec le luthier Jean-Claude Condy. Bouclette, le morceau qu'on vient d'entendre, moi ça me fait penser presque à du conte musical, en tout cas il se passe beaucoup de choses, tu pourrais presque, bah, c'est ce que tu fais hein, en spectacle, tu racontes alors pas qu'une histoire, les morceaux ne sont pas liés j'imagine, non, mais c'est vivant et il y a un côté... En plus de musical, ce côté électro, et tu aimes les sons, alors je ne sais pas comment tu as fait, tu es allé enregistrer les bruits de voiture, c'est ta voiture ? Oui et non, ça dépend lesquels, il y en a que j'ai fait moi-même, d'autres je les ai cherchés, on trouve facilement, de toute façon. Sur internet. Ouais, on trouve facilement. Après, il faut être un petit peu créatif aussi, il faut savoir un petit peu manier les petits logiciels. Oui, c'est beaucoup de bric-à-brac tout ça. Ouais. Par contre, oui, le choix des chansons, oui, je voulais faire un spectacle avec des chansons. Je voulais pas un fil rouge, je voulais pas quelque chose qui peut pas être modifié après. Voilà. Là, moi, j'ai fait des chansons, je les ai mises dans un ordre, je me suis rendu compte que celle-là, elle est mieux là, voilà, je les ai rechangées. Quand j'en réécris de nouvelles, je les réintègre dedans, ça, j'arrive à garder le même esprit, la même énergie. Je pense qu'avec un spectacle, on le joue quelques années, et puis ben, après, on le joue plus, donc il faut recréer quelque chose de A à Z complètement. C'était pas l'idée, moi. Le spectacle est récent, hein, il a encore quelques temps devant lui à vivre. Mais est-ce que dans ton évolution, tu y as déjà pensé ? Est-ce que le conte musical pourrait être une piste, l'album concept ? Pourquoi pas ? J'ai déjà pensé. T'as des histoires comme ça ? Tu as écrit, j'imagine, t'as des morceaux qui sont dans les tiroirs, t'as des débuts de... J'ai beaucoup de débuts. J'ai beaucoup de débuts. Alors moi j'ai du mal à écrire. Hein. Quand j'écris, si c'est pas fini rapidement, je mets de côté quoi. J'ai tendance à vouloir que ce soit fini quasiment une fois que c'est commencé quoi. Il faudrait que je commence et que je finisse le texte le jour même quoi. J'ai du mal à reprendre quelque chose que j'ai écrit la veille. J'y trouve plus ce qui m'intéressait, voyez, je retrouve plus. Donc souvent je range. Ouais, j'en ai plein comme ça des rangées. Et j'en ai aussi que j'ai écrites et que je joue pas encore, mais qui arrivent, qui sont en train de se préparer parce que visuellement il y aura c'est difficile de créer visuellement quelque chose, d'imaginer en tout cas. Donc je suis en train de le faire et après je les réintègre dans ma liste de chansons. Jean-Claude, on continue les recettes de fabrication. On en était à l'archère, on en était qu'au bois, mais j'aimerais quand même continuer là-dessus parce que tu parlais de l'importance, notamment pour toi, mais pas que pour toi, je crois que beaucoup d'archetiers, le bois de Pernambouc du Brésil, à un moment, il n'y en aura plus. C'est-à-dire que comment ça se passe au Brésil déjà, c'est un bois qui alors ne disparaît pas, mais quand même. Oui, alors ça c'est intéressant parce que ça fait réfléchir un peu sur la manière dont on présente les choses. donc jusqu'en 1880, on exploitait, 70 quoi, on exploitait énormément, puisqu'on envoyait des bateaux remplis de ce bois. Mais depuis cette époque-là, on l'exploite plus. C'est pas la consommation des archetiers qu'on estime, allez, je force le trait, à 300 mètres cubes par an. 300 mètres cubes, ça fait, ça fait 20 smirmorques. Hein, c'est peut-être ce qui sort tous les jours des Vosges. Donc c'est peu. Voilà. Mais en fait, donc, du coup, ce bois, effectivement, comme tout un tas d'autres bois, fait partie des bois qui sont, contingentés. Il est donc, on dit, classé en annexe 2 par la Convention de Washington sur la protection des espèces végétaux et végétales et animales. Et alors du coup, ça, donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est compliqué. Pour utiliser du bois, il faut avoir des documents officiels de l'exportation et de l'importation. Donc il y a des marchands de bois qui le font, voilà, et on peut quand même utiliser tout le bois qui est arrivé en France avant cette époque. Et donc on trouve encore des stocks parce que les gens finalement quand ils achetaient du Pernambouc, ben ils en achetaient 1, 2, 3 mètres cubes par exemple, ils débitaient et puis ils choisissaient les meilleurs. Donc et puis surtout il faut attendre que ça sèche ce bois. Donc il faut utiliser du bois qui a 10-15 ans d'âge de séchage. Donc c'était bien de s'y prendre longtemps à l'avance et d'avoir un stock. Donc on trouve encore aujourd'hui on a créé une association internationale qui s'appelle l'IPCI, Initiative Pernambouc Protection, où l'objectif c'est de récupérer de l'argent. Voilà, donc on reverse 2% de notre marge brute à cette association qui va financer des projets. Donc on a par exemple on a financé des plantations. C'est beaucoup et c'est peu, mais une des actions la plus importante qu'on ait faite, c'est 500 000 plants. Donc en collaboration avec les producteurs de cacao et l'équivalent de l'Office national des forêts, je crois qu'il s'appelle IBAMA au Brésil. Mais voilà, puis en même temps c'est à la fois notre problème et puis ça ne l'est pas non plus, quoi. C'est compliqué, c'est quand même un autre pays, c'est leur truc, voilà. Donc il y a bon an mal an une espèce de... alors, et c'est là où c'est compliqué, c'est que finalement, il ne disparaît pas parce que on l'exploite trop, il disparaît parce que ça n'intéresse plus personne. Et il est, comme c'est une espèce endémique qui ne pousse que au nord-est, dans la région du nord-est, à l'est du Brésil, au nord-est, eh bien, ils déboisent pour exploiter les forêts, mais aussi pour faire des plantations d'eucalyptus, de canne à sucre, d'huile de palmier là pour faire de l'huile de palme. Parce que puis toute la population se concentre là, donc il faut déboiser. C'est la vie, quoi, la vie dans un endroit où pousse cet arbre, mais qui n'intéresse plus personne, donc il disparaît. Tes archets sont uniquement en Pernambouc. Alors, ce que je disais tout à l'heure, on a développé une culture, donc il y a un intérêt. Ce bois a un intérêt. Voilà. Mais on pourrait le faire dans d'autres bois. Il y a des bois qui ressemblent. Par exemple, il y en a un qu'on piétine, là, c'est l'IPÉ. Et ça sert à faire des jardins, là, des calibotis de jardin, là, vous voyez, dans un bois un putrécible, ça vient du Brésil. Et quand on regarde, c'est assez ressemblant. Donc, il y a des gens qui se sont mis à faire des archers en IP, sauf que ça marche pas aussi bien. Toi, voilà. C'est pas ton cas pour l'instant. J'ai essayé, mais je suis un peu déçu. Et pour l'autre partie de l'archer, le crin? Alors, le crin, c'est la queue de cheval. Mmh. Voilà. Là aussi, il faut des crins de qualité. Et tout le monde ne collecte pas le crin de cheval. Donc, il y a une spécialité en Mongolie. Voilà. Ils ont des chevaux magnifiques, certainement, avec des grandes queues. Donc, eux, ils se sont spécialisés là. Puis en Chine, certainement. Mais les Mongols ont vraiment des crins. Alors, on voit apparaître là, ils ont un business. Et ça coûte, ça vaut le coup, hein. C'est quand même. T'achètes en gros? Ça s'achète au kilo, ça vaut 600-700 euros le kilo quand même. Hein, bon, un kilo, on en fait, mais quand même, c'est pas donné. Et les archers Jean-Claude Condy, uniquement bois de Pernambouc au Brésil et crin des ouais. Chevaux de Mongolie. Alors, moi, j'ai une petite chance, en fait, parce que l'archer, il est petit. D'accord? Et alors, il m'arrive de racheter à mes collègues qui, eux, font des archers, qui ont besoin de grandes baguettes, pour faire des archers de violon, de violoncelle, quelquefois, il y a un nœud dedans, quoi, au mauvais endroit. Donc, il peut pas être exploité. C'est donc, pour Jean-Claude. Moi, il me dit, je rachète. Pour ses petits archers. Voilà. Donc, du coup, j'ai quand même eu pas mal de bois, ou alors, il y a une époque, il y a des gens qui consommaient, dans une structure justement qui accueille un ESAT qui accueille des personnes handicapées qui fabrique des archers là du côté de Albi. Donc il y a eu une époque ils achetaient du Pernambouc en quantité industrielle et donc il y avait pas mal de chutes quoi parce que dans un Pernambouc il peut y avoir un côté bon où ça tourne. Enfin, c'est pas les épicéas quoi. Hein. C'est tout tordu. C'est donc j'ai pu aussi acheter du bois comme ça. Bon après pour répondre vraiment, oui il y a d'autres bois. Hein. Il y a plein de bois en fait qu'on appelle le bois de fer, même qui ont été utilisés avant, hein, qui est en même temps, je veux dire, mais qui présentaient moins d'intérêt. Parce qu'ils étaient trop lourds, parce qu'ils étaient trop durs. En plus de la nickel harpa, tu fabriques quel autre instrument? On a compris, pas de guitare. Ça, donc on fait pas de guitare. Dans l'atelier, donc il y a Alexis qui a passé son CAP d'archeterie, donc dans l'atelier. Donc on fait quelques archers du quatuor, hein, violon, violoncelle, voilà. Et bien sûr, lui il travaille aussi sur les nickel harpa. Il y a Clémentine qui a fait l'école de lutherie à Mirecourt. Donc on fait de l'entretien aussi des instruments du quatuor. Nathan, lui qui vient d'arriver, sort aussi de l'école de lutherie. Donc on travaille un peu à l'idée de faire des instruments proche de ceux du quatuor, soit du violon, soit des instruments à cordes sympathiques, c'est-à-dire des violons à cordes sympathiques, ce qui a existé bien sûr dans la musique baroque, hein, les violons d'amour, les viols d'amour, le baryton qui est une viole de gambe à cordes sympathiques, et puis puis aujourd'hui dans les musiques traditionnelles, il y a des gens qui s'intéressent aussi aux violons à cordes sympathiques. Avec les standards d'un violon moderne. Et si j'ai bien compris, ce qui est sympa, est-ce que tu aimes toi, c'est par rapport aux instruments à cordes sympathiques, c'est une trentaine d'instruments à travers le monde. Là encore, l'ouverture, c'est ça. Je fais pas tous les instruments à cordes sympathiques. Non, mais en fait, tu les collectionnes. Ah oui, j'ai une petite collection. Mais en fait, l'idée de la collection, c'est venu naturellement. C'est-à-dire que j'ai bien vu, en tout cas pour moi, ça m'a passionné de découvrir cet instrument, d'en fabriquer, et ça me passionne toujours de l'améliorer, hein, parce qu'il y a toujours cette idée, et de voir qu'il y avait tous ces instruments. Donc, pour moi, c'est aussi un support pour populariser, pour faire découvrir. Quand je fais une expo, là, j'ai fait une expo, par exemple, à Bitola, on parlait, dans le cadre du festival d'un festival qu'avait organisé Philippe Roussel, et il m'avait demandé d'exposer à Épinal, voilà, ça a été l'occasion finalement de faire découvrir la nickel harpa, mais aussi plein d'autres instruments à cordes sympathiques des quatre coins du monde. Ça montre aussi, ça a l'air de rien, mais quand on parlait d'engagement, tout ça c'est aussi un peu une forme d'engagement, parce que il y a aussi cette diversité culturelle. Mais oui, c'est voilà, ça, c'est qu'à fait... travers ces instruments, c'est les cultures de chaque endroit où sont voilà. nés ces instruments que tu transmets. Exactement, et quand on parle de médias, de bien sûr, on entend très peu de musique traditionnelle dans les médias. Hein. De temps en temps, il y a deux trois trucs, mais ou alors c'est, on va appeler ça de la world music. Mais il y a tellement de vocabulaire qui définit des concepts nouveaux de styles de musique que ça me dépasse un peu. Mais en tout cas, de temps en temps, on voit apparaître un instrument ethnique, je sais pas comment on l'appelle, dans un truc un peu moderne, un peu, et puis ça fait, oui, ça le fait, parce que ça donne une petite couleur, voilà. Mais quand même, c'est dommage, parce que là aussi, dans ce que disait par rapport aux enfants, et moi ça me touche par rapport aussi à ces musiques traditionnelles, je vois déjà, à moins d'être passionné et de faire le pas, mais si je veux, je vois autour de moi, finalement peu de gens s'intéresse vraiment aux musiques traditionnelles de tous les pays, voilà, parce que là, déjà les journées sont courtes certainement, et puis on nous abreuve de tout un tas de trucs, et puis donc tu parlais du rock, enfin du bah oui, moi je passais par là aussi, je m'intéressais aux musiques traditionnelles, mais très vite on était marginalisés parce qu'il y avait tout le rock à côté. Donc bon, voilà, et ça continue aujourd'hui, et je vois même dans les gens de mon âge, ou entre 30 et 40 ans finalement, je vois très peu de gens, ou alors ils tombent sur un mec qui est sympathique, qui a la patate, et qui joue l'accordéon, je sais pas quoi, mais dès que ça sort un petit peu, donc je sais pas, je pense par exemple à, j'ai vu dans un festival des sardes qui jouent du Launedas. Donc là, c'est des tuyaux, c'est des espèces, c'est une cornemuse, mais sans poche. Ça, c'est, t'as deux tuyaux dans la bouche et puis un bourdon. En roseau. Et donc, ils font de la polyphonie, carrément. C'est juste magnifique, ce truc. C'est juste extraordinaire. Mais alors, eux, pour le coup, ils sont hyper marginalisés. Enfin, on les entend jamais. Et pourtant, c'est magnifique. Voilà, les joueurs de guimbarde, c'est pareil, en Norvège, alors il y en a partout de la guimbarde, hein, c'est un instrument qui est pratiqué dans pratiquement tous les pays. C'est un instrument simple, mais magnifique. Mais ça fait appel à des techniques de jeu incroyables. On utilise la bouche. Alors ça se trouve en Norvège, au Rajasthan, chez les pygmées, là, ils ont des systèmes à traction. Je trouve ça dommage, en fait, parce que ça nous échappe. On passe à côté, hein, certainement. Voilà. Ou alors, il faut des fois, sur France Culture, ils ressortent du formol, un instrument, voilà, un côté un peu intello. Mais bon, okay, après, il faut prendre aussi ce qu'il y a. Mais quand même... Et c'est pas ça, la musique populaire, c'est quand même une musique vivante et actuelle. C'est ça que alors qu'on nous quand souvent ça apparaît, ça sent un peu la poussière, le fromage de chèvre et le formol. Jean-Claude, ou alors faut écouter Radio Gamozo, je le redis, il y a deux semaines, ouais. Il y avait le conteur Guillaume Louis qui est venu ici avec beaucoup, beaucoup d'instruments du monde, et il a fait leur présentation, ouais. Et il a un spectacle, hein, qui s'appelle Les instruments se racontent, et il y a l'histoire depuis l'homme préhistorique avec les percussions corporelles jusqu'à maintenant, et on voyage, et il y en a quand même quelques-uns qui transmettent, tout comme toi, ces cultures du monde par la musique, par les instruments. J'aimerais rendre justement, ça me fait penser. J'ai peur de l'oublier, mais donc j'ai travaillé à Gérardmer là, au Béliard, en 87, 88, 89 à peu près, et j'avais repris l'atelier de Louis Georgel, et c'était avec lui que j'étais venu la première fois à l'impasse ou la rue chemin de Guémozo à Rupt, ouais. Et oui, voilà, ça c'est aussi un personnage qui a beaucoup compté. Déjà je le connaissais avant, c'est quand même quelqu'un qui a qui s'est mis à faire des épinettes et des psaltérions. Un moment, quand même, il fallait être un peu courageux, parce que c'était une époque où il était menuisier, lui, et donc il aurait dû continuer dans la menuiserie, réinvestir et tout ça. Et, mais quand même, il a eu le courage de se lancer dans un truc qui était un... Bah, c'était quand même, oui, dans les années 68, 70, dans ce renouveau, mais c'était un pari... bon, voilà, il fallait y croire, donc il l'a fait, il y a cru, il a fait, et il a initié énormément de... Déjà, c'était une personne, comment dire, profondément gentille, profondément généreux, et ça, c'est quelque... C'est un... Il a su faire... Il a su aussi, à sa manière, redonner un sens à des musiques traditionnelles et un instrument comme de l'épinette, comme l'épinette qui a toujours, je dirais, il a quand même toujours un peu de mal à émerger. Ça reste un petit instrument, pourtant qui offre énormément de choses. Nous, on a du mal ici. Je vois en Belgique, par exemple, c'est un instrument qui a trouvé plus de résonance chez les. Il y a des super musiciens qui jouent de l'épinette. Et mais bon, voilà, j'ai fait avec lui des épinettes. J'ai quand même, c'était sa plus grosse production, donc j'ai continué à faire ça. Et encore aujourd'hui, j'en fais forcément peu. Et je fais des ateliers justement avec des enfants où on fabrique ces instruments. Donc au moins une fois par an, je pars avec une classe de CM1, CM2. Pendant 10 jours, là, on va dans le Doubs, parce qu'il faut un lieu conforme, sécurisé. Ça n'irait pas dans ton atelier. C'est un peu short, quoi. Donc on va là-bas, j'amène tout le matériel et on passe 10 jours. Je passe 10 jours avec des gamins et chacun repart avec son épinette. Et alors ça m'amuse parce que depuis le temps que je fais ça, il doit y avoir presque 1 000 000 d'épinettes à Paris, dans la intramuros. La transmission continue. Voilà. Alors je sais pas ce que ça devient tout ça. C'est pas perdu. Ouais. Et ensuite ces générations-là, transmettront à leurs enfants. Oui, certainement. En tout cas, c'est un petit instrument qui mériterait de plus d'intérêt, je trouve, parce que c'est un instrument simple et qui coûte pas très cher, et puis qui peut être fait avec 3 fois rien. Mais tu sais, c'est utilisé... On parlait, par exemple, de rock. Il y a beaucoup de groupes, notamment indépendants. Toi, Bouclette, tu es issu de cette musique qui utilisent, on parlait tout à l'heure des ogres de Barbac, je sais qu'ils utilisent, entre autres, plein d'instruments, l'épinette des Vosges. Voilà. Mine de rien, dans une musique, dans une musique rock-pop plus indépendante, il y en a beaucoup qui sont... Ben, c'est l'ouverture, encore, on en revient à ce mot, mais et pour eux, la musique n'a pas de frontières, et ils utilisent des instruments venus d'ailleurs. Sans transition aucune, il y a un morceau qui a du succès aussi dans ton tour de chant, Bouclette. Je vais pas le nommer, vous allez l'écouter, ou on dirait des nouvelles. Les gros mots, c'est de la vulgarité, de la grossièreté. Tu n'as pas envie d'être vulgaire, tu n'as pas envie d'être grossier. Les gros mots, c'est mal, et ça ne fait pas du bien, c'est pour les idiots. Tu m'entends, les idiots, c'est interdit, blasphème, injure, outrage. Tu ne diras plus de gros mots, plus jamais. Les gros mots, c'est hors de mes oreilles. Les gros mots ont une petite place dans ma petite tête, ils se reposent et se prélassent dans une pièce secrète. Je les oublie, je les ignore la plupart du temps, mais ils sont présents là dans mon corps. Et de temps en temps, quand la colère m'emporte, je sens qu'ils s'agitent et qu'ils bougent. Ils sont costauds, il faut qu'ils sortent, et les voici là dans ma bouche. Espèce de oh, je vais. J'aurais aimé bien souvent dégobiller des mots plus gros que moi. Mais comme je suis grand et intelligent, je me dis c'est les chiens qui aboient. Claquer des portes, c'est démodé, et ce n'est plus la solution pour ne plus être grossier. Les gros mots, moi, je les avale tout rond. Quand la colère m'emporte, je sens qu'ils s'agitent et qu'ils bougent. Ils sont costauds, il faut qu'ils sortent, et les voici là dans ma bouche. Espèce de... C'est une bip de chanson. Il y a des bips partout. C'est Bouclette qui propose de la chanson pour enfants. Et ce que je trouve original, je le disais en tout début d'émission, c'est de la musique électro-dansante. Souvent, la musique pour enfants, c'est plutôt gratte-sèche. C'est rare quand même que ça soit électronique. Oui, c'est rare. Après, bon, rien n'est impossible. Toi, c'était ce qui te collait de toute façon. Non, pas forcément non au début, non, pas. Non, c'est venu petit à petit. C'est comme ça que je l'ai senti, et c'est comme ça que je l'ai fait. Mais cette chanson, voilà, ça m'a amusé. Les gros mots, qu'est-ce que tu veux nous en dire? Je le disais, en spectacle, forcément, ça fonctionne. Il y a des bips. Ah, celle-là, voilà, en live, elle est... En plus, j'ai une petite intro, donc là, évidemment, qu'on n'a pas entendu, mais. Où je demande aux enfants de s'ils connaissent des gros mots, quoi, évidemment. Donc, alors, ça dépend du contexte. Hein. Avec les parents, ça passe. Dans les écoles, c'est un petit peu plus compliqué. Hein, donc, mais je demande aussi aux parents, je demande aussi aux adultes. J'explique d'où ça vient. On comprend pas d'où ça vient les gros mots. On sait pas d'où ça vient. Selon les parents, ça vient de l'école, et selon l'école, ça vient des familles. Non, mais c'est vrai, on sait pas d'où ça vient. On en revient mais à la transmission autant... qu'on évoque depuis le début, c'est que oui, voilà. Souvent on sait pas. Oui. Pour autant, on sait pas d'où ça vient, mais tout le monde connaît ça. Les enfants ont leur période gros mots. C'est vrai. Je trouve quand même. Alors bon, ça sera peut-être une chanson pour après. Je trouve quand même que nos jeunes sont perdent un petit peu quand même le vocabulaire, on va dire, de base. Hein. Des fois, je pense qu'on s'invente des mots et qu'on invente des expressions, des fois qui sont, pour moi, des fois qui n'ont pas toujours de sens. Donc, je ferais bien une chanson là-dessus pour leur dire, mais enfin, il y a des règles, il y a des, on peut pas dire n'importe quoi, quoi. Enfin, c'est dû aussi. Les mots, leur importance. Enfin, pour moi, un mot est important. On choisit un mot plutôt qu'un autre. C'est pas pour rien, quoi. Mais voilà, ça, faudrait pas que ça se perde. Je tiens à ça. Voilà. C'est dû aussi. Tout à l'heure, j'ai parlé d'époque, d'évolution selon les époques dans lesquelles on vit. Ben là, c'est dû à cet outil aussi, à Internet. Dans le clip, on n'est pas des robots. Tu l'utilises. Hein. Alors, on le disait tout à l'heure, on n'a pas développé là-dessus. Je parlais de clip cheap, c'est-à-dire un clip bon marché que tu as fait toi-même. Et moi, j'ai rigolé à certains moments, notamment quand il y a la recherche sur Internet. Alors, on voit pas, on s'imagine, on voit l'écran, on s'imagine que c'est l'enfant qui tape, mais mes parents sont pénibles, comment aller vivre chez ma maîtresse? Et forcément, avec cette recherche, on tombe tout de suite sur mon mari est parti avec sa maîtresse, des choses qui ne correspondent pas du tout aux enfants. Donc, il y a ce côté aussi outil de communication maintenant, et tu l'as utilisé de manière plus. Alors, c'était rigolote. Pas fait exprès, ça. Je pensais vraiment à la maîtresse d'école, quoi. Vous voyez. Alors, en effet, ce qui est écrit après, on me l'a aussi fait remarquer. Mais c'était pas voulu. C'est le hasard qui a fait ça. Alors, les outils, oui, être moderne, moi, j'ai la volonté de l'être. Au maximum. Après, j'ai aussi plus de 30 ans, je suis plus un enfant de 10 ans. Enfin, voilà, je fais avec ce que moi je peux faire. Mais Pour moi, c'est important. Ouais, c'est important. Je pense que le message passe mieux. On peut aussi montrer aux enfants qu'on est des adultes, mais qu'on partage aussi les mêmes outils. Hein, c'est pas parce que eux, c'est que eux qui ont Snapchat que nous on ne pourrait pas l'avoir, par exemple. C'est ça. Internet est arrivé comme une flèche, quoi. Moi, quand mes parents ils ont découvert Internet, c'était un peu dur pour eux, quoi. Il faut qu'on reste maître des outils là. Voilà, je pense. Vous êtes une association, une école, une collectivité locale, vous avez envie de faire jouer Bouclette pour vous, ben vous allez sur internet, vous tapez Bouclette OO, vous tomberez sur la page Facebook, il répond dans l'heure et vous verrez aussi sur sa chaîne YouTube le clip qu'il a lui-même, alors des extraits de concert, et ce clip de On n'est pas des robots, et la surprise, je ne vous en dis pas plus, vous verrez par vous-même l'effet spécial à la fin. Oui, écoute, tu il faut être. Oui. Pareil, c'est venu comme ça. Hein. Je sais pas d'où. Voilà, c'était pas. Quelles sont tes influences? Tout à l'heure, on parlait de chansons pour enfants. Moi, j'ai par exemple, dans On n'est pas des robots, ton intonation me fait penser à Philippe Catherine. Catherine, oui, bah c'en est une. Ouais, moi j'adore Philippe Catherine. Enfin, j'adore. Est-ce oui. que t'es électro aussi? Lui aussi aime ça. Alors pas lui pas dans tous les albums, hein. Il a non, commencé, c'était rock, hein, c'était oui. le poète rock. Oui, non, dans l'album Robot après tout, qui pour moi est le meilleur. Il l'a fait connaître, enfin dans un oui, un plus large qu'il public. L'a fait, on va dire. Et on monte le son. Oui, voilà. Non, moi je trouve que cet album-là, il est, bah, pour moi c'est un bijou. Et il est électro. C'est super. Il est très électro, ouais. Mais il était rock en live, voilà. Hein, donc moi j'ai pas eu la chance de le voir, mais. Il avait sorti une version live d'ailleurs. Oui, oui. Il y avait exactement. Les deux. Exactement. Et donc influence, donc oui, lui, donc tous les groupes indépendants, San Severino, je dirais quoi d'autre. J'ai réfléchi avant de venir, mais là, tu vois, je sais plus. Ouais, groupe indépendant. C'est pas de la zik pour enfants ce que tu nous dis là dans les références. Ah non, du tout. Ouais. Ah non, parce que moi, j'ai pas toujours. Je veux pas être prétentieux ou mauvais par rapport à ce qui s'est fait avant, mais. Ce que j'écoutais, moi, de la chanson pour enfants me fatiguait assez vite, quoi. Donc, voilà, j'étais pas sensible à ça. Donc, c'est pour ça, peut-être, que j'ai voulu faire autrement, hein, mais j'ai pas, moi, je pense que petit, on m'a pas fait écouter de musique, de chansons pour enfants. Je crois pas. À part les contes traditionnels qu'on pouvait trouver. Voilà, non, j'ai pas d'influence de chanteur pour enfants. Jean-Claude, quand on est luthier, est-ce qu'on peut parler aussi d'influence? Est-ce qu'il y a des luthiers? Alors, tu nous as parlé de certains, j'allais dire de tes maîtres, en tout cas ceux qui ont fait partie de ta formation, notamment Monsieur Georgel, du côté de Gérard Armé. T'as des luthiers contemporains qui inspirent ton travail? C'est sûr que la lutherie, c'est un patrimoine. Donc forcément, on a hérité de cette culture, de cette technique, de ces savoir-faire, de ces vernis. Voilà, je dirais les vernis modernes finalement nous apportent pas grand-chose de plus, sinon peut-être une banalité. Bon, dans certains cas, c'est très bien, mais sinon, dès qu'on s'intéresse à ça, on s'aperçoit qu'on redécouvre un peu des vernis extraordinaires où on travaillait la lumière. Enfin, je veux dire, il y avait vraiment une démarche à la fois technique et esthétique. Donc, forcément, toute cette histoire, ça compte. Ça ressurgit à un moment ou à un autre. Et dans la musique populaire, dans les instruments populaires. Il y a forcément aussi cette idée, sauf que c'est beaucoup plus large parce que dans la musique traditionnelle, il y a énormément de gens, parce que par définition, c'était pas des professionnels, donc c'était des amateurs, des bricoleurs, des menuisiers, des paysans qui faisaient ou des musiciens, voilà, qui faisaient leur truc et ils y allaient de leur propre imagination, même si bien sûr il s'est dégagé. Des tendances, et puis des trucs qui marchaient mieux que d'autres. Mais il y a forcément dans le lot, il y a des gens qui sont sortis un peu du lot, et En Suède, par exemple, il y a Eric Sahlström qui a un peu mis au point la nickel harpa contemporaine. En plus, c'était un super musicien. Enfin, vraiment, il a fait des trucs incroyables. Et donc, forcément. Et dans les gestes, est-ce que tu t'inspires dans tes gestes pour fabriquer les instruments, notamment traditionnels, de gestes d'autres? Oui, parce que les gestes, en fait, de l'utilisation de canifs, de rabots, c'est des gestes qu'on apprend pour ceux qui ont eu la chance d'être dans des ateliers ou à l'école de lutherie, on transmet. Mais effectivement, ou alors on les redécouvre. De toute manière, on les comprend aussi, parce que ça, c'est pas non plus des extraterrestres. Donc forcément, on retrouve des manières de faire. Et oui, voilà. Il y a quelque chose. Oui, il y a le geste, il y a l'outil en lui-même. Et ça, il y a quelque chose de séduisant aussi dans l'outillage. Hein, ce sont souvent des très beaux outils. Aujourd'hui, on fait des outils qui marchent, mais ils sont pas beaux. C'est con. Après, c'est une vue de l'esprit, hein, un truc moderne et tout. Non, mais quand même, grosso modo, on voit des objets. Et ils n'ont pas d'histoire. En plus, ils n'ont pas d'histoire, mais ça donne pas envie de leur en donner. Non, mais bon, je suis un peu sévère, mais non, en fait, et ça, honnêtement. Je dis ça, mais je le pense qu'à moitié finalement, parce que ça m'arrive quand même, ça m'arrive encore maintenant. Je suis toujours à l'affût d'un outil nouveau. Il y a quand même des gens incroyables qui cherchent. J'ai vu des espèces de petites trappes, des petites trappes je crois que c'est suédois d'ailleurs, mais où ça ressemble à des espèces de râpes à fromage là. Je sais pas comment. Et en fait, c'est, vous voyez bien, une râpe, une lime, en général, ça gratte, quoi. Ça arrache le bois. Non, mais eux, ils ont fait un truc, c'est que des petites lames les unes à côté des autres, quoi. Le métal, il est embouti, et ça fait une petite lame qui dépasse. Alors, quand on rabote, ça fait plein de petits copeaux. Et là, tu dis, bravo. Celui qui a eu l'idée de faire ça, je dis ça, chapeau, vraiment. Parce que ça, alors, naturellement, l'objet en soi, il a rien d'extraordinaire. Ça se met souvent, d'ailleurs, ça s'attache dans un support de scie à métaux, hein, tu vois, ça peut se fixer là-dessus. Mais là, j'étais épaté par la qualité de l'outil, en fait, par l'efficacité surtout. Quand on est luthier, est-ce que on doit obligatoirement exercer à Mirecourt, le berceau de la lutherie? Non. Non, justement. Alors là, je sais pas, il y a certainement plein de choses à dire. Non, au contraire, je pense que, en tout cas pour moi, ça n'a aucune importance d'être ici. D'ailleurs, je suis venu ici, j'ai fait de l'archeterie, donc je suis resté dans le coin, je me suis dit, autant être là, et puis voilà, et puis ma compagne, à l'époque, elle travaillait, elle était prof, donc elle était prof de musique dans les coins écoles, donc c'était tout près, c'est au bout de la rue, voilà, on avait des enfants, ils allaient à l'école, c'était pratique. Puis finalement, bon, c'est une petite ville, il y a tout, il y a une pharmacie, il y a un supermarché, voilà. Mais honnêtement, au niveau business, quoi, c'est mieux d'être à Paris ou dans une grosse ville, voilà. C'est tout. À Paris, t'arrives des quatre coins du monde, t'arrives à Paris. Et comme moi, j'ai une clientèle quand même qui est très tourné vers l'export, je vends des nickel harpas partout, enfin aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, Portugal, les archers c'est pareil. Donc, pour répondre précisément, voilà, ou une ville où il y a une gare. Et maintenant tu le disais, hein, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui te contactent via internet, voilà. Dans le monde entier. Voilà. C'est sûr qu'à Mirecourt il n'y a plus de gare par exemple, bon alors il y a des bus, mais on se sent dans un déclin. En plus, ce qui est, il y a, j'éprouve une, je sais pas, il y a quelque chose qui, il y a vraiment quelque chose de dommage à Mirecourt, c'est que l'histoire, le patrimoine de cette ville est énorme. un tel point que c'est une vraie pépite, je dirais aujourd'hui, pour redonner un sens à une forme d'économie. Et ça décolle pas. Ça ne décolle pas. Voilà, il y a un musée, montre bien, qui est né, qui a été enterré, voilà, il y a, voilà, pour des tas de raisons politiques. Et puis il y a rien qui sort, et il y a des tas de gens qui aimeraient venir à Mirecourt pour faire des stages, pour faire de la musique. Bah Mirecourt, pour eux, c'est juste un mythe. J'ai une cliente au Japon. Bah, vous habitez à Mirecourt, dans la ville de la lutherie. Bah, je dis oui. Oh, c'est extraordinaire. Donc maintenant il y a Google Earth. Hein, on peut se balader dans les trucs. Hein. Voilà. Non, mais après, voilà, c'est. Non, mais je vois, il y a des petites villes, par exemple, qui arrivent à exploiter leurs petits trucs, quoi. Là, il y a quelque chose à faire. Vraiment, il y a quelque chose à faire. Autour de la formation, je pense à la formation ou de l'histoire du patrimoine. Il faut savoir que Mirecourt, c'est historiquement un lieu de passage. C'est un lieu de formation. Des tas de luthiers sont venus apprendre à Mirecourt et ensuite sont partis. D'accord, c'est depuis les années 70, il y a l'école de lutherie de Mirecourt, mais quand même depuis toute l'histoire de Mirecourt, il y a eu quelques luthiers, il y a eu des entreprises, c'était Zola probablement les industries à l'époque de la grande époque où il y avait par entreprise 500-600 personnes. Hein, c'était pas le voilà, c'est pas le luthier comme on l'imagine, voilà. Puis même les luthiers du quatuor et les archetiers de Mirecourt pour beaucoup ont eu du mal à vivre de ça, à tel point qu'il y a aucun descendant de ces luthiers. C'est juste parce que les parents n'avaient pas envie que leurs enfants ils fassent la même chose, parce que c'est difficile d'en vivre. Des gens qui en vivent vraiment aujourd'hui, oui, c'est ceux qui font du business ou dans le quatuor, oui, il y a des gens qui arrivent à vendre plus que bien un instrument, mais c'est quand même un peu exceptionnel. Et en tout cas, autrefois, c'est les petits Mirecourt, comme on dit, les gens, souvent, ils travaillaient avec des revendeurs dans les villes. Donc ils vendaient moitié prix, hein, peut-être même moins que la moitié, j'en sais rien, moi, je sais pas. Mais c'était certainement, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Donc du coup, ça n'a pas donné envie à une suite de gens. Les gens, les nouveaux, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Hein, les quelques luthiers qui sont là, ils viennent de l'extérieur. Qui ont fait l'école de lutherie, où ça devait être parmi les premiers d'ailleurs, hein. Qui ont fait l'école là, ou d'autres qui se sont formés en Allemagne, là, et puis ils sont venus s'installer à Mirecourt. Vous voulez aller visiter l'atelier de Jean-Claude Condy à Mirecourt ? Ben vous pouvez l'appeler au préalable, et puis aller voir sur le site internet, hein, Jean-Claude Condy, vous tapez ça et vous tombez tout de suite en première proposition sur le site, et sinon le numéro de téléphone, c'est le 03 29 38 55 54, 03 29 38 55 54. Tout à l'heure, à la Nickel Arpa, tu nous as interprété des morceaux traditionnels suédois. Est-ce que tu improvises parfois avec cet instrument ? Est-ce que c'est possible ? C'est possible, ça nécessite un peu d'expérience. Ça m'arrive d'improviser quand on est plusieurs musiciens. Il y en a qui prennent le thème, d'autres qui font une deuxième voix, une troisième voix, et puis j'aime bricoler quelque chose. Les autres musiciens dans ce cas-là sont des nickel harpistes également. Oui. Est-ce qu'avec d'autres instruments, par exemple la guitare, c'est possible ? Est-ce que si par exemple j'ai demandé à Bouclette de prendre sa guitare et toi t'as nickel harpa, sur le moment il pourrait se passer quelque chose dont seule la musique peut nous magnifier ces moments. Je suis pas sûr. La magie de l'instant en musique. C'est un peu casse-gueule le truc là. Si vous le sentez pas, on le fait pas. Oui, mais... Est-ce que toi par exemple, Ça m'arrive, par exemple... Si tu prends ta Nickel Harpa là maintenant, une des trois, oui. Tu commences à nous jouer quelque chose, est-ce que toi, Bouclette, à la guitare, ça peut te faire improviser? Ou alors, à l'inverse, si Bouclette joue, par exemple, un de ses morceaux... et puis, une chanson, oui. Mais... Une de tes chansons, Bouclette, agrémentée à la Nickel Harpa. Faudrait que ce soit compatible, faudrait que l'accord là, ouais, soit compatible. L'accord soit compatible, Mika, c'est très compliqué, tu nous prends au dépourvu, là. Ouais, il aurait fallu qu'on trouve au moins un thème. Ouais, un thème, une tonalité, une grille, voilà. Ça aurait été le minimum. Ouais. Pour une prochaine rencontre. Ouais, bon, mais on va travailler ça. Mais ouais. Oui. Dans les spectacles, Jean-Claude, toi, on a parlé du luthier, mais musicien aussi. Tu joues avec divers groupes. Bah, j'ai joué donc avec ces fameux musiciens de la Grèce antique là. J'ai fait partie du premier, la première formule. On est allé jouer à Delphes, à Athènes, tout ça. On a fait quelques pièces. On avait quoi, une quinzaine de pièces, pas plus. J'ai joué. Qu'est-ce que j'ai fait? On avait un petit ensemble de musique traditionnelle. Donc il y avait violoncelle, contrebasse et nickel harpa. J'ai joué il y a longtemps dans un groupe qui s'appelait Capot, Violon et Bottes de Cuir. De musique traditionnelle un peu celtico, je sais pas quoi. Enfin, on faisait un peu tout ce qui nous... On voulait être drôle. Bah déjà dans ça, le titre. Oui, on voulait être drôle et puis ça marchait pas trop mal. Oui, ça marchait pas trop mal. C'est l'époque aussi, on voyait fleurir à cette époque-là des ensembles comme Aristide Padigro, bah le Quatuor déjà, le Quatuor c'était des comiques, de Snare, il y avait de la musique comique quoi. Bah enfin on n'était pas des clones non plus, mais il y avait cette idée et ça fonctionnait plutôt pas mal. J'ai failli faire que de la musique là à ce moment-là. En 87, parce que ça prenait 86 temps. Vraiment, parce que ça prenait du temps, puis ça marchait plutôt pas mal. Vous étiez beaucoup demandé. Puis c'est quand même sympa de vivre de la musique. Bon après, c'est pas si facile que ça, mais quand même, j'ai beaucoup de musiciens qui sont professionnels, et je vois bien. Des fois, il me faut envie. Et actuellement, non. On avait un petit trio là. Guitare, violoncelle et guitare, nickel harpa, violoncelle et nickel harpa, violon. Je faisais du violon. Et le collègue là, il est très pris. Il lui fait du métal par ailleurs. C'est un musicien de Nancy. Ils ont un groupe qui s'appelle Phasm et qui a découvert la nickel harpa il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus, et qui est parti à fond là-dedans. Mais c'est d'abord un chanteur de métal et un guitariste de métal. Et du coup, on a monté cette petite formule et ça marchait franchement plutôt pas mal. Mais voilà, il habite à Nancy. Le collègue qui travaille, le violoncelliste, c'est pas facile, quoi. Ou alors il faut travailler, il faut y aller le soir, c'est pas facile on s'entend bien, mais c'est pas facile de trouver des moments en fait. Moi, je suis souvent parti les week-ends, quoi. Je fais aussi beaucoup d'expos, quoi, de festivals, salons. Des salons. Ouais. C'est essentiellement comme ça que je fais découvrir l'instrument. Les gens, je les rencontre, ils essayent, y en a qui n'ont jamais vu, quoi. Ils disent oh merde, c'est quoi ce truc, et puis. Puis des fois ils essayent, puis ça fait son chemin. Et puis je vois des fois des gens apparaître 7-8 ans après, puis qui me disent oh, ça y est, j'ai décidé, j'achète, je commande un instrument. Donc ce contact là, c'est important. Je le fais depuis tout le temps, mais ça m'arrive de faire des expos où j'accroche personne, hein, pour dire. C'est pas, je vais pas à un festival et puis j'ai vendu 4-5 instruments. Non. D'ailleurs, je vends rien sur place, c'est que des commandes. Et il faut attendre, pour ceux qui voudraient acheter un instrument, il faut attendre à peu près un an et demi. J'ai un délai d'un an et demi, quoi. Il faut planter l'arbre, l'arroser, le couper. Et là, t'es sur combien de commandes, par exemple, d'instruments que tu fabriques actuellement? Là, on doit être, dans les nickel harpa, tout confondu, on doit être à une trentaine. Et le dernier arrivé pourra être livré quand? Ben dans voilà, dans un an et demi et un peu plus. Non, mais voilà, après, c'est compliqué parce que en un an, il se passe plein de choses. Hein. Et si on nous amène des trucs à réparer, si un des collaborateurs tombe malade, enfin, je veux dire, c'est plein de... Ou moi, enfin, c'est plein de... d'imprévus, mais en général, voilà, on arrive à peu près à tenir les délais. Tes prochaines échéances, il y a des dates là qui sont marquées sur ton agenda, qui sont importantes, que tu pourrais partager avec nous, que ça soit des expos ou autre. Oui, il y a un petit festival. Le prochain festival, c'est à côté de Lons-le-Saunier. Ça s'appelle La Grange Rouge. Petit festival de musique traditionnelle, ça c'est plutôt sympa, ça marche bien, ça danse beaucoup, voilà. Et après, je vais faire une espèce de brocante qui s'appelle Brock'n'Roll. C'est quand la Grange Rouge? Le 10-12, là, je sais plus, c'est un week-end ça? Au mois de juin? Oui. 10-12, mais je vais te dire ça tout de suite, bien sûr que non, c'est un lundi, un mardi. Non, bah, le week-end d'avant, le 9-10. C'est le week-end juste avant. Voilà. Bon, le Saunier, c'est noté, bouclette. C'est la chapelle Naude. Voilà, il faut s'en souvenir. Mais si on cherche le festival de la Grange Rouge, on trouve. Et il y a autre dans le coin. Alors je vais aller à Messin là, qui s'appelle Brock'n'Roll, c'est plutôt guitare. Mais je suis trop bien là, les gens sont sympas, ça permet de découvrir, comme j'ai fait à la Souris Verte par exemple, la veille il y avait quand même les Vampas là qui étaient passés, ça permet mais trop bien, parce que finalement je m'aperçois que des gens ouverts partout, des gens qui s'intéressent à tout, donc c'est... Et si jamais le prochain album des Vampas contient de la Nickel Harpa, vous sourirez, c'est grâce à qui? En purée, ça vaudrait le coup d'oreille. Il y a après là il y a le festival donc à Château d'Ars, c'est près de La Châtre, le 14 juillet. Ça c'est vraiment un gros truc. On est 130 exposants. Et rendez-vous habituel. Ça c'est vraiment un lieu, ça je sais pas, j'y suis allé depuis le début. Je suis né là en fait. Les gens franchement, il y a eu des échanges. Et la naissance, oui, hein. Ouais. Elle est dans le regard de l'autre, elle est dans l'échange, comment l'autre perçoit vos travails respectifs. Bouclette pour toi. Les dates, on l'a dit, hein. C'est toi qui vas le dire. Mois de juin, 23 juin, à Plombières. Ouais, 16h, du côté du Clos des Deux Augustins, 6 rue Griot. Voilà, en dessous des jardins terrasses, ouais. Oui. Je suis au festival Tatou la Vida au mois de septembre à Rombois, ça c'est très bien. Et puis au festival, je sais plus, à plein fin qui s'appelle Plein de Rock Enfin. C'est plein du son pour les braves ou alors à plein fin il y en a c'est deux. Ça. C'est à bras le corps. Il y a du sang pour les braves, où il y a, là l'autre il est passé, à moins qu'ils aient donné un autre nom, mais l'autre est alors passé, je crois que c'est l'association. Était une fois dans l'Est, c'est Caracoles Sagar qui organise à plein fin, c'est pas ça? D'accord, bah là non, je peux te dire, c'est Emmanuel qui m'a contacté. Et donc c'est l'association, il me semble, Abralcor qui organise Plein de Rock Enfin. Voilà. Moi, je croyais qu'il y avait que l'association Caracoles Sagar à plein fin qui organisait ces deux festivals annuels, mais non. Voilà. Donc c'est au mois d'août, c'est quelque chose qui a lieu chaque année, donc je pense que c'est possible que ce soit pareil. Bah, de toute façon, on va voir aussi sur ta page Facebook, Bouclette OO. Voilà, et puis si des écoles le souhaitent pour des spectacles de fin d'année, de Noël, des associations, des festivals, des entreprises, ils peuvent me contacter évidemment. Allez voir sur cette page, la chaîne YouTube, vous verrez que ça fonctionne bien avec les marmots. Est-ce qu'il y aurait des mots de la fin? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissaient importantes qui n'ont pas été dites aujourd'hui? Ou pas? Ça réfléchit en attendant? Non, moi je crois que j'ai fait le tour de mon sujet. Moi je suis content d'avoir rencontré Jean-Claude et l'instrument. Et d'avoir... parce que bon, il y a une vraie histoire, on sent l'expérience aussi, hein, l'expérience du musicien, du bonhomme, voilà, du parcours. Ouais. Ça m'a fait plaisir. Et puis te rencontrer toi, ma foi, et puis de venir, c'est sympa. C'était une première pour moi, j'ai vraiment apprécié. Donc peut-être à bientôt, et puis merci quoi. On espère avant 10 ans, Jean-Claude, hein, puisque ici, on aime bien suivre les personnes. Bah, on aime bien voir vos évolutions. Dans 10 ans, je ne serai peut-être plus tout à fait en état. Voilà. Hein, quoi. La lutherie. La lutherie, ça conserve bien. Oui, voilà. Dans 10 ans, bah, j'espère être en retraite. Tiens, ça, c'est un truc d'artisan, hein. Retraité. Artisan retraité, parce qu'en général, tu vois jamais le bout. Hein. Les artisans, ils ont jamais assez cotisé. Ils sont assez. C'est la. C'est pas une fin facile. Alors, voilà, je sais pas. Dans 10 ans, j'espère pouvoir être en retraite. Non, mais voilà. Mais les instruments seront là, continueront, et quand les gens continueront. J'espère que mes collaborateurs, là, continueront. Puis il y en aura d'autres. De toute manière, je vois pointer, il y en a jamais eu autant, hein, de ces Nickel Harpa en France, finalement. Et donc, il y a, j'espère, quelque chose d'enclenché. Parce que c'est quand même un instrument magnifique. Voilà, qui est facile. Enfin, je veux dire, qui est facile à jouer, qui est agréable à jouer. Et il y a vraiment moyen de s'en incommoder, de se l'approprier, de tout est à faire quelque part, comme dans tout, je veux dire, c'est sans fin, la création elle est sans fin, hein. Merci messieurs d'être passés, à bientôt. Merci. Au revoir, au revoir.